Bienvenue dans Brocast, le podcast gaming dont les deux hosts sont des bros passionnés de jeux vidéo et besognants dans ce milieu aussi fabuleux qu'impitoyable. Le premier bro, c'est moi, Bruno, chez Bruno sur Twitter, donc un ancien journaliste jeux vidéo, et voilà, et je travaille désormais pour Storybird Games, studio cofondé par le deuxième bro, Julien. C'est toi-même. À qui est Forza Pedro sur le réseau social au cul-cuit bleu, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est Forza underscore Pedro. Voilà, Forza underscore Pedro. Moi, c'est chez, donc c'est H-E-Z underscore Bruno, et c'est quand même simple. Alors, comment ça va, Julien? Ça va. Le 3 est en train de se terminer tout doucement, donc voilà, ça va mieux. On avait envie de réagir à chaud sur le 3, essentiellement sur tout ce qui s'est passé avant l'ouverture du salon, c'est-à-dire les conférences. Hein, ouais. Là, donc, c'est l'épisode 1. Ouais, parce que le 3 lui-même, après, sur le show floor, vu qu'on n'y est pas... pour moi, clairement, le 3, ça se termine après les confs. Hein. Bah, t'as quand même des trucs super intéressants qui tombent après, sur certains jeux qui sont montrés. Donc là, c'est les journalistes, hein, qui nous montrent ça. Ouais, c'est ça. J'ai vu qu'il y a des choses sympas qui étaient tombées, mais nous, donc, on va vraiment concentrer sur ce qui s'est passé avant, les confs, les tendances, donc... c'est vraiment l'épisode 1. Voilà, hein. Donc je rappelle rapidement le principe de Brocast, hein, à vous, chers auditeurs sexy câlins, c'est de s'asseoir à notre table, on discute de jeux vidéo, comme si vous étiez voilà, avec des potes dans un rad en train de causer JV. On vous invite voilà, à vous asseoir à notre table, et donc on discute comme ça, sans dérouler préétabli, à la cool, quoi. Donc, voilà. Voilà, donc pour le 3, avant d'entrer dans le vif du sujet, je précise à nouveau que ne comptez pas sur nous pour détailler toutes les annonces qu'il y a eu, faire vraiment le compte-rendu complet de chaque conf. D'autres le font très bien déjà. Coucou Gamecube. Oui, c'est clair. Voilà, nous, c'est vraiment, on va vous parler de ce qui nous a marqué en bien ou en mal. Voilà, toujours en suivant le principe du podcast. Donc, on va débuter. D'ailleurs, attends, je te coupe deux secondes, petite parenthèse par rapport au podcast 0. Donc, je fais un peu un previously on broadcast. par rapport à ce que je disais sur Gameblog, comme je disais, tu vois, quand ils font des trucs bien, voilà, je pointe du doigt quand même quand ils font des choses qui sont bien. Et j'ai, pour une fois, j'ai bien aimé leur couverture hein, de l'E3. Franchement, j'ai dû autant la suivre sur Gameblog que sur Gamekult cette année. Ouais. Mis à part les lives avec Carole et puis des externes quoi, genre Wawa ou ces mecs là, c'est des gens que je suis pas trop, puis ça m'intéresse pas trop de regarder tout ça, mais voilà, les impressions de JC, puis aussi les vidéos de Julo, en fait il en a fait vachement plus. C'est marrant parce que au podcast 0 on dit ouais on le voit jamais, qu'est-ce qu'il fait, etc. Oui. et puis là pour le 3, bim, il a fait je ne sais combien de vidéos de récap. Et t'as du vu coup, l'influence qu'on a déjà en un épisode, c'est assez énorme. Non, mais là, pour le coup, je trouve que franchement, ils se sont plutôt bien sortis. Et je dirais même, pour certains trucs, je suis plus allé sur Gameblog que chez Gamekult. Parce que chez Gamekult, pour trouver des vidéos, c'est la croix et la bannière. Retrouver par exemple les replays de leur live, tu vas sur vidéo, émission, t'as des trucs qui datent de 1995. C'est impossible de trouver des trucs récents convenablement, quoi. Ils ont un gros problème en fait dans leur moteur de recherche. Ah, avec le moteur de recherche, parce que si tu vas dans l'onglet vidéo, ça. Ouais, mais bon, tu vois, t'as des liens partout, tu cherches, ça merde, bien. Et puis ça c'est quoi, et puis ça date de quand, et franchement, c'est pas clair du tout, quoi. C'est vraiment pas clair. Du coup, je suis allé chez Gameblog. Bah, moi, je l'ai beaucoup suivi sur Gamekult. J'ai vraiment fait les deux, quoi. J'ai apprécié. À part un instant stress, mais on en parlera quand on abordera la conférence Sony. Sur l'instant Kojima, où tout a coupé. Enfin, ouais. Je vous en parlerai tout à l'heure, ce serait une anecdote rigolote si j'y repense. Donc, ouais. Voilà, bah écoute, on rentre dans c'était ta petite parenthèse, mais qui était nécessaire, effectivement. Bah ça a commencé par un dimanche blafard à 22h avec la conférence Electronic Arts, qui historiquement, on va le dire, c'est pas du tout notre cam. Ça, il faut quand même le rappeler. Ceci dit, je la surveille toujours, hein, puisque, déjà pour ma culture perso, j'aime bien voir toutes les confs, pour voir un peu les tendances du moment. Mais c'est vrai que j'attendais la petite la petite surprise. C'est vrai qu'en général, la conf IA, c'est... IA, pardon. c'est à dormir debout, mais il y a toujours la petite. Voilà, on attend une petite surprise. Alors toi, tu l'as pas suivi. Est-ce que t'as... Non, j'ai regardé un peu. Tu as un retour de quelque chose qui t'a intéressé. Puis en gros, je la fais courte. C'est que il y a eu donc du sport. Ouais. Je m'en fous, aussi pour la guerre. Voilà, moi pareil. Il y a eu un petit moment. Alors moi, je l'appelle maintenant l'instant Unravel, où ils ont fait venir un mec qui était terrorisé, un indie qui est venu présenter donc un jeu qui s'appelle Fi. Alors c'est F-E. Voilà. Ouais. J'ai pas regardé la vidéo encore. Alors ils nous ont fait la même. Comme quand Unravel avait été présenté, c'est-à-dire le mec, c'était bon. Ça, par contre, c'était assez touchant. C'est-à-dire que ça se voyait assez impressionné par l'assistance, etc. Ils ont mis quand même une belle fenêtre de, enfin, une belle exposition. Bon, maintenant, le jeu, c'est un jeu donc, tu diriges une bestiole qui ressemble à celle d'Ori, même si ça a l'air bien plus, enfin, moins fouillé sur l'écran que Ori. Et s'il y a un petit côté Limbo aussi, enfin, bon, voilà, c'est. Ouais, bon. Ça a l'air chouette, mais ça m'a pas non plus, Ça m'a pas non plus. Voilà. Le seul truc en fait que j'ai aimé, c'est qu'on a vu Amy Henning. Donc, pour rappel, pour le Star Wars. Dont on a vu à peu près 3 secondes et demie. Il fallait pas cligner des yeux. Hein. Ouais, c'est clair. Donc, Amy Henning, on le rappelle à nos auditeurs, hein, c'est vraiment celle qui est derrière. C'est la maman d'Uncharted en fait. Hein, qui est partie entre donc. Où le process du 4, déjà, du développement du 4, avait bien été entamé. Et qui ressemble à la sorcière de Merlin l'Enchanteur. Oui, c'est pas fou. D'ailleurs, j'avais jamais fait le rapprochement. méchant, mais... J'ai tellement de respect pour cette dame que rien que de l'avoir vu deux secondes... c'était le moment... le seul moment de la confier qui était sympathique. Autre chose qui était chiant, c'est qu'on a plus vu des scènes filmé dans les bureaux de dev. Alors ça, tu l'as sûrement pas vu, Juju, parce que tu l'as pas suivi en direct, mais ils ont montré que des vidéos où tu vois, clairement, rien n'était prêt, donc tu voyais les mecs, les équipes de dev dans les bureaux, mais on a vu que des scènes dans des bureaux, pour la plupart des jeux, quoi. De mecs qui étaient dans leur burlingue en train de bosser. Donc c'était chouette, tu vois. Mais bon, Tu fais ça généralement quand t'as rien à montrer, hein. Bah voilà. En fait, c'est ça, c'est que rien n'était prêt. Et je l'ai même trouvé, cette confeuillée plus relou que l'année dernière, mais bon, voilà. Donc là, on va passer à Bethesda. Alors moi, Bethesda, j'ai pas eu le temps de regarder ce qui s'est fait, donc peut-être toi un petit peu plus. Alors je l'ai pas regardé en direct. Par contre, j'ai regardé du coup presque toutes les news les concernant, parce que ça reste un éditeur / développeur que j'affectionne beaucoup. C'est même un de mes favoris, hein, franchement. Alors j'avais bon espoir pour un nouvel Elder Scrolls, comme tous les ans. Ah, comme beaucoup. Voilà, donc c'est pas le cas, et en plus ils ont bien fait comprendre après, dans une interview ou un communiqué, je sais plus, que on pouvait prendre notre mal en patience, parce que c'était pas du tout pour demain. Ils ont annoncé un remaster de Skyrim, qui est en fait l'équivalent de Skyrim PC avec plein de mods. Donc je plaisante pas, en plus c'est même pas une bonne, c'est vraiment ça. On va pouvoir jouer à Skyrim PC sur console, quoi, en fait, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça, mais avec les mods, tu sais, genre je me souviens plus comment ça s'appelle, Nexus Mod, voilà. Bon, je sais pas si tu connais, mais tout ce qui est les outils avec Nexus Mod, avec les genre les ultra HD textures, pas mal de contenu en plus, donc tu sais, ils vont rajouter genre des équipements, puis peut-être, tu sais, des petites features, quoi, améliorer le crafting ou ces conneries-là. À mon avis, tu sais, ils ont dit, tiens, on va aller voir les modders, et on va leur dire, tiens, ça, je te l'achète, 5 000 $, et hop, c'est dans la version remaster. Oui, parce que ce que j'ai cru comprendre, bon, moi, je suis quand même plus joueur console que PC, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'à chaque fois, Bethesda, ils sortent le jeu, et c'est les modders qui font le boulot derrière pour le... Pas pour le corriger. Pour le corriger, le booster, le transformer en vrai jeu commercialisable, en fait. J'exagère un peu. Mais bon. Mais ça peut être bien pour ceux qui l'ont jamais fait sur PC, par exemple. Ça, ils ont une version ultime. Mais voilà, donc ce sera pas mal. Mais là, de toute façon, il sortira aussi sur PC. Hein. C'est une version qui sortira sur PC. Sur PC ou sur console, parce que Skyrim était sorti sur console également. Mais... Voilà. Donc, voilà. Bon, c'est intéressant. Après, moi, voilà, c'est un de mes jeux de toute ma vie, Skyrim. Donc, je suis à peu près sûr et certain que bah je vais tomber dans le piège et je vais y rejouer, parce que ça me fait pour le coup une vraie raison, tu vois, de le refaire, genre avec un autre perso, une autre race, une autre classe, etc. En dehors de ça, il y avait Dishonored 2, bon bah moi j'ai pas fait le 1, et puis bon non, effectivement, hein. Il est sur ma liste. Ouais, moi non, ou alors sur ma liste, il a 10 balles sur Steam. Je vois bien que ça doit être un super jeu, mais voilà, quitte à dépenser de l'argent, putain, j'ai vraiment d'autres priorités que les Dishonored, donc je m'en fous un peu. Alors ça a parlé un peu de Fallout 4. Bon, Fallout 4, moi c'est une de mes plus grosses déceptions de ces dernières années, on va dire. Ouais. Pour des raisons simples, c'est qu'en fait, avant de faire le 4, en fait, c'était un des jeux que j'attendais le plus, et puis il arrivait vraiment tout bientôt, et du coup, je me suis refait le Fallout 3 New Vegas, qui est un de mes épisodes préférés. En fait, je l'ai refait entièrement, avec un autre perso, autre classe, etc. D'accord. Donc, je l'ai retourné. Et en fait, quand je l'ai très coté New Vegas hein, chez les fans. Ouais, j'adore. Et en fait, quand je l'ai terminé, style une semaine après, t'as Fallout 4 qui sortait, quoi. Et le problème, c'est que la différence entre les deux, techniquement, jouabilité, menu, etc., en fait, je vois pas d'amélioration. Et tous les trucs qui me faisaient chier dans Fallout 3 et New Vegas, en fait, je les retrouve dans le 4. Et quand tu viens de te taper 70 heures de Fallout New Vegas, bon, bah... En fait, Fallout, c'est un peu le bordel, en fait. C'est qu'il y a les fans hardcore des deux premiers. Ouais. Et je crois que même pour les fans hardcore, c'est vraiment les... pour moi, le meilleur... Les préférés, quoi. Ouais, pour moi, le meilleur, c'est le 2. Oui, enfin, c'est une question de goût. Comme beaucoup, hein, effectivement. Ouais. Même s'il a plein de défauts, un peu... Enfin, défauts, il est vieux, quoi. Puis il est ultra buggé, en plus. D'ailleurs, juste pour info, n'achetez jamais la version Steam parce qu'elle n'a jamais été corrigée. Et en fait, le jeu crache constamment. Tu peux rien faire, en fait, dans le jeu, dans la version Steam. Et ça n'a jamais bougé, quoi. Donc, faut aller le prendre, genre, sur Good Old Game ou ces trucs-là. Et là, c'est des versions qui buggent pas, quoi. Ce qui est complètement débile. Et puis, Valve, ils en ont rien à foutre. Ils changent pas. Valve, d'ailleurs, même les anciens développeurs du jeu, quoi. Ils s'en foutent, quoi. Je sais pas, ils y touchent pas. Donc, c'est assez fou. Enfin, bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. On va pas faire 3 heures sur Fallout, mais... Bon, en gros, le 4 m'a énormément déçu. Donc là, ils ont parlé de trucs sur le 4, je crois, d'un add-on, etc. Et je t'avoue que j'ai complètement zappé. En dehors de ça, vraiment, il n'y a rien qui m'a intéressé. Il n'y a pas d'annonce, moi, qui m'ont botté à part, voilà, le remaster de Skyrim. Mais en dehors de ça... Et Skyrim, tu serais prêt à y retourner, que tu avais adoré Skyrim, donc... Ah oui, alors aucun problème pour retourner dedans, hein. Là, d'accord. Moi j'attends qu'une raison, justement, c'est d'avoir un prétexte pour le refaire, à la limite, tu vois, parce que vu que le nouveau n'a pas été annoncé, que de toute façon on peut se le coller derrière l'oreille, Bon après, c'est vrai que, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de... d'esprit un peu enfant gâté des joueurs, c'est que c'est quand même des jeux qui sont assez immenses à développer, et c'est vrai que tu peux pas non plus annoncer un nouvel Elder Scrolls tous les deux ans, quoi. Sûr, mais c'est pas un caprice, tu vois, de dire que leur Elder Scrolls Online c'était une connerie. Tu vois, ils ont perdu énormément de temps et d'argent, je pense, avec. Mais ça en est où, ça ? Parce que ça, j'ai pas trop suivi. Je crois qu'il est passé en free-to-play ou un truc comme ça, parce que ça marche pas tant que ça. Enfin, ça sert à rien, je veux dire. Quand tu passes après World of Warcraft ou ça me saoule ces développeurs qui veulent absolument faire leur MMO, tu vois, avec leur licence. Quand ça marche, c'est une manne financière qui est quand même assez conséquente. Par contre, combien se sont plantés, que ce soit les Conan et compagnie, des trucs qui sont arrivés avec des skins et puis des concepts qui étaient pas dégueux, quoi. Même Guild Wars, ils ont du mal à garder la tête hors de l'eau alors que ça fait partie des pointures, tu vois. Après, on parlera pas de la Corée et de certains pays d'Asie où là, t'as certains jeux qui font des cartons absolument. Bon, c'est un autre marché phénoménal. Voilà. Mais d'ailleurs, le film WoW, il n'y a qu'en Asie qui, qui fonctionne. Ah ouais. J'ai lu ça, je crois qu'en Corée, c'est un carton absolu, ouais. D'accord. Donc voilà, sinon Bethesda, c'est ce que t'as retenu, parce que moi c'est vrai que j'ai pas du tout suivi. Ouais, franchement, Bethesda. On peut passer. C'était pas très intéressant. Je dormais à ce moment-là, ouais. Parce qu'il fallait bien récupérer un peu. On va attaquer l'un des premiers gros morceaux, en fait, c'est Microsoft. Oh mon dieu. Ouais, voilà. Alors Je tiens tout de suite à mettre, parce que je les vois, là, les derrière leur clavier, là, les 4-5 qui nous écoutent pour l'instant. Bon, bientôt, ce sera des millions, mais pour l'instant, c'est 4-5. Non, les premiers chiffres sont pas mal, mais bon, voilà, c'était une parenthèse. Du coup, en fait, moi, c'est vrai que historiquement, je suis beaucoup plus Sony que Microsoft. Et les licences Microsoft, voilà, c'est pas trop ma cam. Par contre, je ne suis pas dans la guerre des clochers. Donc, moi, j'avais envie pour que mes petits camarades qui ont une One, parce qu'il y en a quelques-uns quand même, soient un petit peu régalés, quoi. Et bon, pour moi, ils l'ont pas trop été. Ça a été. Bah, je pense que ceux qui ont été régalés, c'est ceux qui ont Windows 10, quoi. Surtout. Voilà, alors, le gros point, avant de rentrer, peut-être avant de citer quelques jeux, c'est que pour moi, il n'y a plus d'intérêt, définitivement, alors qu'on parle d'une console. C'est vrai qu'il a perdu complètement la bataille face à la PlayStation 4. Et on sent que... On sent ou on sent pas, mais on a l'impression que Microsoft veut un peu enterrer le truc. Dans le sens où c'est tous les jeux, quasiment tous les gros jeux de la Xbox One sont Windows 10. Et en fait... C'est ça. C'était la phrase qui apparaissait à chaque fois sur le petit magnéto en bas de chaque vidéo qui ont été lancées. La petite indication Xbox One et Windows 10 exclusive, mais je trouve que pour les possesseurs de la One, mais c'est terrible. Clairement, je crois qu'on peut le dire. C'est fini, quoi. Oui, enfin, ils veulent faire une sorte de truc mutualisé, mais derrière ça, il y a quand même un constat d'échec qui est terrible. Non, c'est... mais regarde, ils annoncent des jeux One, ok, qui sont tous compatibles Windows 10. Et en plus de ça, derrière, ils enfoncent le coup en annonçant la Scorpio. Non mais. Donc en clair, c'est là, il y a aucune raison d'acheter notre One parce que c'est tous clair. Les jeux vont être sur PC, donc sur Windows 10. Et en plus, bon, là, notre Xbox One, elle est à la ramasse, on la fout à la poubelle. Et dans 2 ans, on va vous sortir une console vachement plus chère qui aura des specs d'un PC de 2 ans d'avant, d'un PC dépassé. Parce que là, les specs, ouais, ils ont commencé PC à annoncer. De maintenant, quoi. Voilà. Même si, bon, ils sont restés vagues hein, sur les specs techniques. Ils ont sorti des gros chiffres, mais ça, c'est comme à l'époque de la guerre des consoles. 16 bits, 32 bits, bon, ça veut pas dire grand-chose. Et du coup... Non, ça veut pas dire grand-chose, et t'as l'impression qu'ils sont restés dedans, encore. Enfin, bref. Mais c'était terrible, parce que je me dis, moi, possesseur PlayStation 4, on me dit Horizon, Uncharted... PlayStation 4 et PC exclusive. Mais je me dis, ma console, je l'ai acheté pourquoi ? Donc et surtout que si les jeux sont bien optimisés, les possesseurs, ceux qui ont des grosses bécanes PC, les auront en plus en plus joli. Donc c'est en 60 FPS avec des textures Ultra HD. Donc c'est absolument terrifiant pour les possesseurs d'Xbox. Mais c'est pour moi, c'est même plus un poignard dans le dos là. C'est un Et surtout, quand on sait que la conf Sony qu'il y a eu après, on y viendra tout à l'heure, mais moi, t'es possesseur d'Xbox, tu te pends, quoi. Enfin, c'est terrible. Je sais pas pourquoi, en fait, je pense que c'était une mauvaise idée de faire une conférence. Tu sais, quand c'est un peu comme si ils étaient vraiment très, très, très affaiblis, tu vois, ils sont à terre, genre t'as pris 3 balles dans le coffre, tu vois, t'es en train de ramper, puis t'essaies de te relever encore, et puis t'as un pistolet. Laissez-moi, je ne ferai que vous ralentir. Non, mais tu vois, c'est du. Ouais, enfin, quand t'agonises comme ça, faut pas faire des annonces du genre t'es content de faire des annonces, ouais, Gear 4, je sais pas quoi, et puis c'est aussi compatible Windows 10. Non, mais c'est ça qui est terrible, parce que, bon, moi. À la limite, dis-le pas, tu vois, si tu veux faire ailleurs. Enfin, ils étaient dans une position, il fallait presque jouer la mauvaise foi. C'est-à-dire que tu montes des jeux, tu dis surtout pas que c'est sur Windows 10, puis bon, t'attends un ou deux mois, tu vois, le temps que le soufflet de l'E3 retombe. Enfin, je dirais même une semaine maintenant avec les médias. Et puis paf, tu dis, bon, bah en fait, oui, effectivement, c'est compatible Windows. Mais par contre, tu vas pas flinguer ta propre conférence ? Parce que là, c'était pas une. Enfin, clairement, bah, c'était un suicide. Enfin, pour moi, c'était un suicide en direct. Enfin, c'est hallucinant. Là, pour le coup, c'était vraiment une conférence Microsoft. C'était pas une conférence Xbox. Exactement. Et la nuance est très importante. Alors, effectivement, en plus, ce qui est terrible, c'est que... bon, ils balancent le Gears of War 4. Bon, moi, c'est pas une licence qui me parle du tout, puisque moi, voilà. Bref, j'ai même pas été jusqu'au bout du premier à l'époque. Mais il y a des fans, tu vois. Et c'est vrai que Gears of War, c'est quand même top. Même si c'est pas trop ma cam, c'est top. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Voilà, petite référence à l'épisode 0. Et du coup, il te balance une vidéo, c'est vrai, qui était très jolie. Bon, on s'en voit pas non plus des trucs de fou, mais c'était quand même non, très mais joli, bon, voilà, c'était propre. C'est toujours gris marron, quoi. Enfin, c'est, voilà, c'est bon, moi c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec la direction artistique des Gears of War. Moi, c'est, j'ai l'impression que c'est un mélange de dégueulis et de morve. Enfin, j'y arrive pas. Mais bref. Et d'acier. Bon, on va se faire aimer des fans. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ouais, moi j'aime bien. J'ai beaucoup aimé le 1. Non mais le 1, bon, le coup j'ai pas... vraiment fait entièrement, j'ai même adoré. Faut juste pas jouer à Vanquish après, parce que sinon t'as l'impression de diriger un tracteur dans Gears of War. Ah bah voilà. Oui, ouais. Mais Vanquish, je me battrai toujours pour Vanquish. Bref, mais du coup, ouais, ça envoyait du bois, les fans étaient contents. Ouais, Windows 10. c'est sur Windows 10. Il y a eu d'autres jeux qui ont été montrés effectivement qui pouvaient faire le job. Il y a eu Dead Rising. Halo Wars 2, Forza Horizon 3. Non mais franchement, 3, Halo Wars, tout le monde en a rien à foutre, Bruno. C'est pas faux. Mais voilà, bon, on a eu un peu de The Division, il y a du Tekken 7, et j'aimerais arriver. Ouais, mais ça, c'est pas des jeux Xbox. Non, c'est ça, c'est pas des jeux Xbox. Mais je veux dire, là, je dis un petit peu les, tu vois, moi les jeux dont je me souviens, ouais, qui ont été présentés. Mais alors, là, pareil, là, je parle d'un jeu qui est pas que Xbox, mais la démo d'FF15, moi, je l'ai vu en direct dans la conf Xbox. Là, c'est la petite parenthèse FF15, mais la com sur FF15 est absolument catastrophique. Alors, apparemment, au moment où on enregistre, il y a une vidéo qui est tombée, qui est assez jolie. Voilà, dans une ville, apparemment. Voilà. Ah, celle-là, oui, bah d'accord. Je crois que c'est tombé aujourd'hui, voilà. Il paraît qu'elle est. Ce que tu me disais avant l'enregistrement, ok, bah si, je l'ai vu, oui. Voilà, ouais, donc. Ah, bah c'est joli, mais pourquoi pas garder ça pour ça joli. Pourquoi pas garder ça pour la conf? En fait, t'as. Non, mais même. Enfin bon, on en parlera tout à l'heure des FF15 parce que c'est un des gros points. Non, mais là, c'est important. Même de l'E3, hein, c'est pas une question de goût. Non, c'est mais vraiment. Là, c'est important pour la conf Microsoft parce qu'ils ont fait venir. Donc en fait, donc il y avait le producteur, il me semble, le réalisateur. Bon, j'étais fatigué, hein, c'était la nuit, tout ça, donc voilà. Ouais. J'ai peut-être une bêtise là-dessus, mais je sais pas s'il y avait Tabata qui était là, enfin bref. Donc ils sont venus faire une démo en direct. On est dans la conf Microsoft, donc c'est important d'en parler là pour la conf Microsoft. Ouais. Et ça a été une cata, mais intégrale. C'est-à-dire qu'ils ont, je sais pas si t'as vu ça, ils ont essayé, donc il y avait un titan à combattre. J'avais déjà entendu parler du combat. De voilà. Ce c'était laborieux. Le mec, il ratait tout. Tu vois rien, la caméra, pardon. Mais c'est même pas ça. C'est que le mec du staff qui était à la manette, il ratait vachement ses coups. C'était bordélique. Il arrêtait pas de se faire poutrer par le boss. On voyait que c'était laborieux que le combat était laborieux à jouer. Ouais. Et le mec, c'est son jeu. On voyait que c'était laborieux. Il y arrivait pas. Et c'est à regarder. C'était l'image que ça renvoie. C'est comme la démo toute pourrie qu'on a eue là, avec Noctis Jaune sur PS4, qui était terrible dans le mauvais sens du terme. Bah, là, c'est pareil, ça envoyait une image. Notre jeu, il est brouillon, même moi, j'arrive pas trop à y jouer. Enfin, non, mais c'est très grave, c'est en train de se passer. Voilà, balle dans le pied encore, quoi. Enfin, c'était. Mais c'est pas, tu sais pourquoi? C'était terrible. Il y a une balle dans le pied pour FF15 parce qu'il y a que ça, il y a qu'un pied. Il y a rien autour. En fait, le gros problème de ce projet, c'est que là, clairement, le jeu sort dans 2-3 mois, là, il sort en septembre. Clairement, là, maintenant, il n'y a plus de doute possible, le jeu est vide. Il n'y a rien dans le jeu. Et il y a tellement rien, en fait, ils ont tellement perdu de temps à changer de patron, à changer d'équipe, sens, à rechanger de patron, à rechanger de. Tu sais, il n'y a pas de cap, en fait. C'est comme si, tu vois, tu avais un réalisateur qui faisait le début du film, l'autre qui revenait qui faisait le milieu, l'autre qui revenait qui faisait la fin, et celui qui fait la fin, il aime pas le début ni le milieu. Ouais, quoi. Non, mais c'est ça. En fait, c'est Frankenstein, quoi, Final Fantasy XV, et tu verras, on en parlera, exactement. Il parle de monde ouvert, mais je te dis tout de suite, je fais des prédictions, vous pouvez me taper si... si je me trompe, mais c'est même plus ma main à couper. Venant du dev, en plus, je vois très bien là, ce qui est en train de se passer sur Final Fantasy XV et je vois très bien à quoi va ressembler le jeu. Tu sais que c'est un road trip, le jeu. Mais à la base, c'est ce qu'on nous avait dit. Voilà, ça va commencer, tu vas avoir une caisse. À chaque fois, la caisse va soit tomber en panne, soit pour X raisons, tu vas t'arrêter. Autour de l'endroit où tu t'arrêtes, tu auras une grande plaine vide avec quelques monstres à chasser et un niveau. Quand ce sera fait, tu reprendras ta voiture. Tu roules un peu, 2-3 dialogues, paf, tu tombes dans un nouvel environnement avec une grande plaine vide et rebelote. Ah, c'est ça triste. Si c'est ça, c'est triste. Tu sais ce que ça va être? Ça va être, tu sais, des boucles de gameplay. C'est très japonais, ça, hein, d'ailleurs. Des boucles de gameplay identiques, il y en aura 5 ou 6 jusqu'à la fin du jeu, avec des phases d'action qui sont mal calibrées, des systèmes de combat et des options pendant les combats qui changent à 3 mois la sortie du développement, alors que ça devrait faire 6 mois que le jeu devrait être en playtest, pour un jeu de cette envergure. Ah, complètement. Ils se sont concentrés sur le scénario, sur le gel dans les cheveux des personnages et les fringues pour pouvoir vendre du Prada aussi autour du jeu, sur le logo Audi, sur la bagnole, et c'est tout. C'est tout. Parce que derrière, tout, tu verras... Tout est inquiétant. Les présentations sont inquiétantes. La dernière démo, tout était... Enfin, moi... Non, mais Bruno, c'était nul. Un an. Regarde, on va parler contenu. Ça fait un an qu'ils nous montrent les mêmes monstres. Un an. Ah, mais c'est chaud. On nous montre des loups, des vaches... tu sais, je sais plus comment ça s'appelle, tu sais, l'espèce de plante pieuvre géante là, tu sais, qui te fait de la fumée, qui empoisonne tout le monde, qui rend fou tout le monde. Ah, le Marlboro là. Voilà. Ouais. Qu'on te montre lui, qu'on te montre le Behemoth, qu'on te montre 2-3 invoques, ça fait plus d'un an qu'on te montre toujours les mêmes monstres. Tu sais ce qui va se passer, c'est que ça va être quasiment toujours les mêmes monstres. Ce qui va changer, c'est les faux combats aléatoires qu'ils ont créés avec les vaisseaux impériaux qui lancent des soldats, et on en reparlera. En termes de game design, c'est sûr et certain. Plus avance dans le jeu, plus tu auras des soldats de classe, tu vois, de plus en plus fortes. Donc tu auras un soldat qui, au début, ce sera juste un petit fantassin. Après, tu en auras un qui fera un peu de magie. Après, tu auras des tanks. Après, tu auras... Des tanks, je parle vraiment genre des gros chevaliers, tu vois, ouais. etc. Jusqu'à la fin du jeu, on aura carrément des noirs, des persos qui veulent, etc. Mais ce sera toujours pareil, ce sera toujours des humanoïdes qui vont évoluer. Les animaux, ce sera quasiment toujours les mêmes, sauf qu'ils vont rajouter 2-3 trucs sur eux et changer la couleur. Et il y aura, on va dire, allez, peut-être 20 monstres grand maximum dans le jeu, très peu d'équipements. Ça va être ça, Final Fantasy XV. Non, mais c'est terrible. Il n'y a rien pour rattraper, c'est terrible. Techniquement, le jeu, il est complètement à la rue, mais total. Le jeu était beaucoup trop ambitieux, il a trop changé de main. En fait, ce qui est incroyable, c'est de voir qu'en 2016, des boîtes comme Square, donc la partie Squaresoft, je ne parle pas de la partie Enix, parce que même s'ils ont fusionné, c'est quand même deux teams complètement distincts qui travaillent quasiment pas ensemble, d'ailleurs. Mais la partie Square part vraiment totalement en couille et font des... On dirait qu'ils font des erreurs de petites start-up, quoi. Et là, c'est une erreur de start-up qui a eu beaucoup de budget. Moi, ça me fait vraiment de la peine à chaque fois parce que le jeune homme que j'étais, qui à chaque fois, quand il voyait le logo Squaresoft sur une boîte Super Famicom ou PlayStation, tu savais que tu achetais de l'or en barre, que quoi qu'il arrive, un Squaresoft, ça s'achetait quasiment les yeux fermés. Il y avait toujours une émotion particulière. Là, je trouve ce qu'ils ont fait ces dernières années, on va pas revenir sur FF13, mais le 14 a l'air d'être bon, mais j'ai pas le temps de me lancer dans un MMO, c'est impossible. Donc voilà. J'ai beaucoup joué au 14. C'est terrible, c'est absolument terrible. Et mais surtout, regarde, t'as vu, y a rien qui fait envie dans ce 15, quoi. Regarde, c'est y a pas besoin d'être un enquêteur ou Hercule Poirot pour le voir. Il te montre une vidéo avec, tu sais, l'endroit qui ressemble à Paris là. Avec le bâtiment qui est très élevé, il y avait des vidéos, ils montraient, regardez le jour et la nuit à cet endroit-là, etc. Bref, ça a l'air d'être genre la ville où le héros vit, tu vois, où il se barre. C'est pas celle qui en a la démo. Et ben voilà, ils montrent la vidéo, quelques mois après, il y a une démo dans ce décor-là. C'est super. Ils montrent une vidéo avec un Léviathan, etc. Et ben après, il y a une démo avec ces modèles 3D, là. Avec le Léviathan, tu sais, quand il est petit, là. Oui. Tu vois le Léviathan passer, etc. Tu vois tous les modèles 3D, tous les décors qui ont été faits dans le trailer d'avant, qui a été montré il y a quelques mois. Et là, il se passe encore la même chose. Ils ont des nouveaux modèles 3D, ils ont des nouveaux lieux, et ben ils font des petites démos pourries, des petits combats pourris dans ces lieux-là, des trailers d'il y a un mois ou deux mois. Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils n'ont rien comme contenu. Ils ont quasiment que dalle. Et ils ont tellement rien à montrer qu'ils sont obligés de bricoler des démos à l'arrache avec les assets qu'ils ont. Bah, disons que là, on va avancer, mais les derniers échos, les dernières indiscrétions, pardon, apparemment de mecs bien au courant du truc, c'est que c'est panique à bord, quoi. C'est qu'ils sont pas prêts, que la sortie du jeu est fixée, et à mon avis je sais pas si on va vers un accident industriel, mais putain, ça en prend le chemin, quoi. C'est super flippant. Je sais que ça peut être fatal, hein, pour la licence, hein, là, ce qui est en train de se passer. Mais moi ce qui est terrible, c'est que pour moi, hein, le dernier grand FF à être sorti, pour moi, c'est le 12. Et quand tu vois que le 12, c'est mille fois plus sexy de le revoir revenir en HD, parce que moi, je vais venir plonger, mais comme un bâtard, tellement j'ai aimé ce jeu, mais comme un ouf. Et qu'à côté, FF15. T'as l'impression que depuis le début, à chaque fois qu'ils montent une démo ou à chaque fois qu'ils font une presse, ça te donne encore moins envie. T'as l'impression que c'est le petit guide de tout ce qu'il ne faut pas faire en com. Enfin bref, on va avancer. C'est parce qu'ils se sentent obligés de montrer des choses, mais quand il n'y a rien, tu bricoles des trucs, quoi. Bah, en parlant de jeux japonais, justement, qui sur le papier font très envie, puis finalement, c'est pas terrible. Moi, depuis le début, on va parler de... Non, on va parler de Scalebound. Moi, depuis le début, Scalebound, il me fait pas du tout envie. Pourtant, Dieu sait que j'aime Platinum, j'aime Camilla, et voilà ce qu'ils font en général. J'y crois pas une seconde à ce jeu. Hein. Écoute, j'espère me tromper. Hein, l'année dernière, ça faisait pas envie. Et là, on peut pas me taxer de fanboyisme envers Sony ou quoi que ce soit, puisque de toute façon, il va sortir sur PC. Donc, mais, oui, c'est vrai. Voilà, lui aussi. ça me va très bien que ça sorte sur PC. Ouais, mais moi, quand je le vois, je me dis, je me l'achèterai sur PC quand il coûtera 10 euros, quoi. Ouais, ça voilà, c'est pas... ça. Alors, je sais pas si t'as vu la vidéo où tu voyais effectivement. Pas du tout. Bah, toujours ce héros un peu mélange de Dante et avec son casque sur la tête, dans un univers mi-Monster Hunter, mi. Le problème, c'est que le héros comme ça, c'était bien à l'époque de Matrix, quoi. Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'il a même pas l'avantage d'être cool même dans un certain mode vintage. C'est que même à l'époque, j'aurais pas trouvé classe. Enfin, je trouve qu'il est pas classe. Non, oui, c'est sûr. Mais même, enfin, je sais pas. C'est très très rétrograde comme personnage. Et niveau gameplay, ça fait pas envie. En plus, on retrouvait pas la patate, le côté patateux des jeux Platinum. Et a fortiori, des jeux Camilla. Il y avait une scène où t'étais chevauché sur un dragon. Bon, t'attaquais... Moi, j'avoue que je retiens quasiment rien de cette vidéo, en fait. Ouais, mais ça, tu sais ce que c'est, Bruno ? C'est un jeu à presse. Enfin, presse. Avec des termes plus faciles à comprendre. Ça, c'est Platinum qui a fait un bon gros PDF avec, voilà... On veut faire ça comme jeu, c'est trop cool. Ah mais c'est ça, voilà ce qu'on peut faire avec pour public américain. Quoi. Ouais, Devil May Cry, Skyrim, Dragon, Game of Thrones. Exactement. Bon bah maintenant, aligné 2 millions de dollars. Point. Ça c'est un jeu après, c'est un jeu pour soutirer du pognon à un éditeur. Pour faire un jeu, tu vois. 10% avec ce pognon, ils ont fait un super moteur qu'ils utiliseront après pour un projet plus perso. Exactement, et puis voilà, après ils feront un projet perso, ils vont nous faire une Level 5, je sais tout ce que tu veux, un mousseau là, mais à eux, et voilà quoi. C'est un jeu, il est là, mais tu peux déjà l'oublier. Hein. Ils nous ont fait une Level 5 en fait, avec le True Fantasy Online qui devait sortir sur Xbox, première du nom qui est jamais sorti par contre celui-ci, alors que Scalebound sortira, mais... Et True Fantasy Online, en fait, le moteur qui était assez léché, ils l'ont utilisé pour faire Dragon Quest 8 après, ouais, sur PS2. Bon, enfin, après, ils ont fait Fantasy Life en plus. Oui. Et Fantasy... Ils ont fait deux jeux avec ce moteur. Pour l'anecdote, Fantasy Life aussi, qui s'inspire beaucoup des premières idées qu'ils avaient eues pour le. En termes de game design, oui, de c'est Dragon quasiment Quest la même. Ouais. Dragon Quest 9, je sais pas si tu te souviens au début, quand ça devait partir de l'action RPG, que les fans au Japon ont gueulé. Il y a pas mal d'idées qui ont transité vers. Fantasy Life. Mais enfin bon. C'est ça. La conf Microsoft, en fait, moi ce que je retiens, c'est qu'elle était hyper mou de la miche. Enfin, c'était pas rythmé du tout. Non. Et c'était, Windows exclusive, Xbox et Windows 10 exclusive. Et ça. Et puis à la fin, Scorpio, on peut en plein de parler. Et la Scorpio. Alors ça, c'était le moment galéjade du truc, c'est que tu les voyais tous face caméra. Le futur, nous le préparons. Bah, le futur, c'est quoi d'Xbox ? Donc, c'est une console qui sera beaucoup plus chère, qu'on des specs de ouf aujourd'hui, mais dans 2 ans, bah, elle sera dépassée par tous les PC haut de gamme. Et puis, c'est surtout, bah, voilà, là, l'Xbox, on va l'enterrer, et puis là, on en prépare une nouvelle. Quoi. Donc, et puis, tu sais, quand tu donnes un nom d'animal à ta console, ça jamais, ça porte malheur. ça porte malheur, faut jamais faire ça. Hein. Oui, c'est vrai. Les fans de la Jaguar sont... Bien sûr, voilà. Mais bon, de toute façon, bon, après le nom de la console, tu me diras, on s'en fout un peu parce que. Non, mais ce qui est intéressant, c'est surtout, on en parlera, je pense, si on oublie, hein, on s'excuse déjà d'avance, mais ce qui est intéressant, on en parlera peut-être à la fin du podcast, c'est qu'il y a quand même un mode de consommation, enfin de production, surtout console, qui va évoluer. C'est que là, avec la PS4 Neo qui n'a pas été présentée, mais on sait qu'elle est dans les cartons, c'est que les consoles s'acheminent plus à un modèle à la Apple, enfin au smartphone même et tablette en général, même. Où t'as en fait un modèle upgradé qui va sortir plutôt qu'une nouvelle console. Alors, peut-être qu'une nouvelle console dans 5 ans, mais en tout cas ils vont étirer les modèles existants avec des modèles upgradés. Donc ça c'est quand même ce qui prouve une fois de plus que c'est vraiment les exclus qui feront la différence, parce que c'est quoi, tu vois, là, imagine, on est dans un univers où il n'y a pas de PS4, n'y a aucun intérêt que Microsoft sorte des consoles tous les 3-4 ans, parce que tous leurs jeux sont aussi sur PC et seront mieux sur PC. Donc tu te dis, bah, je préfère acheter un PC 800 balles, mais il va me durer, on va dire, pendant 4-5 ans, je vais jouer à des jeux. Et je peux faire autre chose aussi que jouer voilà, sur un PC. Et je peux bosser, et voilà. Je peux aller sur le net, et je peux faire du Skype. Et alors voilà. Oui, on peut faire ça avec une console, mais c'est moins pratique quand même, faut arrêter, putain, c'est pas un truc de bureau. Tu peux pas faire de code, t'as pas de traitement de texte, t'as un clavier, t'as pas ton écran, merde, bref, c'est pas un ordi quoi, c'est une console, c'est pas un ordi, donc sinon il y aurait plus que console s'il y avait pas de différence. Donc il y a aucun intérêt pour Microsoft, enfin je comprends pas pourquoi ils sortent la Scorpio, tu vois, en fait, pour moi c'était justement le moment de s'arrêter peut-être et de éventuellement, enfin la Scorpio on sait pas ce que c'est, ça se trouve ce sera ça, mais de même carrément changer de paradigme, tu vois. Peut-être de faire un truc qui est plus une tablette, tu vois, je sais pas, où tu peux faire en streaming, en téléconnecté, jouer, mettre tes manettes Wi-Fi et l'Xbox One dessus, enfin tu vois, un truc hybride. Mais tu peux pas sortir encore une console quand t'as pas de vrai exclu alléchante. Regarde, par exemple, la dernière exclu, c'était Quantum Break, c'est un pétard mouillé, c'est sorti, tout le monde a dit que c'était très moyen, on n'en entend plus parler, il y aura plus jamais Quantum Break, on n'entendra plus jamais parler, dans un an, les gens vont se dire, merde, c'était quoi déjà ce truc? C'est carrément ça. Alors que c'est remédié pourtant, tu vois. Donc même quand tu... Enfin, il y a de la mauvaise volonté, de la mauvaise communication, de la mauvaise stratégie, et aussi, il n'y a pas de chance. Parce que tu vois, quand tu te dis, bon, bah merde, on a remédié de notre côté, ils vont quand même nous faire un truc qui pète. Sauf que, apparemment, ce qui s'est dit dans les bruits couloirs, c'est que Remedy ont été extrêmement bridés par Microsoft, artistiquement, pour le jeu. Ce qui a donné un jeu, mais d'un... c'est un jeu qui n'a pas de personnalité, quoi. C'est, tu sais que je trouve que c'est encore plus dur de faire un jeu sans personnalité qu'un jeu avec quand même un peu de personnalité. Tu sais, c'est comme un Monsieur Tout-le-Monde. Les vrais Monsieur Tout-le-Monde, c'est rare. Trouver quelqu'un, vraiment, tu sais, qui est neutre, quoi. T'es, physiquement, il est neutre, le caractère, il est neutre de partout. C'est pire que la Suisse, tu vois. Quantum Break, c'est ça. C'est la Suisse non, mais en jeu vidéo. Mais, moi, ce que je comprends pas, Quantum Break, alors, il y a un truc moi, qui me rend ouf, c'est comment on a pu imaginer... Qu'un même si tu peux zapper les épisodes de la série live, effectivement, qui se concentrent sur les méchants, voilà. Mais comment tu peux imaginer faire des phases de jeu entrecoupées d'épisodes de série sans que ça te sorte complètement du truc enfin, rien que le processus narratif de base. Rien que l'idée, elle est bancale. Mais elle est hyper bancale. Enfin, imagine que le jeu est. Bon, alors, c'est pas le cas, mais imagine que le jeu, je sais pas, est super passionnant, t'es dedans, machin, pout, ça se coupe. Donc, tu. Passe ton épisode, ok, tu dis non, l'épisode ça casse le rythme, mais même si tu le coupes, t'as l'impression que tu vas passer à côté de quelque chose quand même, et ouais, même si les fans te diront que tu peux zapper, c'est pas grave, tu comprends quand même, mais bon, enfin, c'est casse-gueule. Puis le jeu est chiant apparemment, il est pas spécialement intéressant, c'est un jeu à 30 balles quoi, sauf que tu vois, ils ont vachement misé dessus, et finalement il sort sur Windows 10 je crois quand même, donc tu vois, enfin bon, bref. Non mais c'est... Je pense que Microsoft, faut qu'il passe la main. Moi, contrairement à toi, par exemple, j'ai été beaucoup plus un joueur de la Xbox 360 que de la PS3. Parce que la PS3, en dehors d'Uncharted, j'ai très peu joué. Enfin, des Uncharted, The Last of Us, tu vois. Ces jeux-là, j'y ai très très peu joué. Ensuite, j'ai plus acheté sur PS3 pour des questions de confort. Parce qu'en fait, c'est débile, hein, mais... J'ai déménagé, en fait, quand j'avais les deux consoles de ces générations, j'ai déménagé. Et là, à ce moment-là, quand j'avais déménagé, je jouais à Beyond Two Souls. Petite parenthèse, c'est du racket financier. ce jeu. Et faudrait qu'on fasse une spéciale David Cage un jour, ce sera rigolo. Et The Last of Us. Et du coup, la Xbox 360, je l'ai pas ressorti des cartons, tu vois. Parce que j'étais sur The Last of Us. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ensuite, j'ai moins joué sur console. Et du coup, c'est la PS3 qui est restée sortie. Et quand je voulais acheter un petit jeu, tu vois, genre, je sais plus comment ils appellent ça, en platinum, là, je sais plus comment ça s'appelle sur PS3, les jeux à plus bas prix parce qu'ils ont bien marché. Sur PS2, c'était des platinum. Sur PS3, je sais plus. Oui, bah les noms sont tout le temps. Ouais, c'est les games, le choix des joueurs, je sais plus, enfin bon, des conneries comme ça. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Voilà, bah je les ai achetés sur PS3. Tu vois, même pour les jeux multiplateformes, parce que la PS3 était sortie, quoi. Mais par contre, j'ai beaucoup plus joué à la Xbox 360. Ah, moi, les deux consoles ont cohabité, mais j'ai beaucoup plus joué à la PS3. Mais bon, voilà, moi, j'ai pas spécialement de préférence, tout ça. Mais là, par contre, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi être cartésien et... Alors par contre, bah justement, parce qu'on est pile dans le sujet, avant de passer à la suite, là, il y a une news qui vient de tomber, et donc pour la Scorpio, apparemment, il n'y aura pas de jeu Xbox exclusif. Donc, c'est pour... Ah bon pour... Oui, bah écoute, ça, je vois ça sur Gamecult, là, donc c'est... Ok, donc zéro intérêt, elle est déjà morte-née, quoi. C'est super... C'est triste, quoi, franchement, c'est... Ouais, c'est... On a l'impression de voir Atari, tu sais, qu'Atari, à l'époque, ils étaient en train de crever en disant « Oui, mais la Jaguar, c'est pas la dernière console, on va aussi sortir un truc après, et puis non, en fait, tu vois, 6 mois après, non, ce que vous avez annoncé, en fait, bah, ça sera pas ça, en fait, on fait encore une nouvelle console, et puis, bah, on est mort. » Non, voilà. Mais c'est, C'est triste, mais je pense que Microsoft, faut qu'ils arrêtent. Je pense qu'il n'y a plus de place là pour 3 constructeurs, pas pour le moment. Ah, tes souhaits. Bah, justement, tiens, ça fait une belle transition. Ça nous fait un jingle pour causer Ubisoft. Ça va être rapide, hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Oui, ça va être très rapide. En fait, ce qui était intéressant, c'est que c'est vu le contexte actuel. Avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom, qui essaie de s'accaparer Ubisoft. Donc, je pense que dans ce contexte-là, pardon, c'était intéressant de voir effectivement à la fin, t'as Guillemot qui a fait un beau discours avec pas mal de gars du staff et tout. C'était assez émouvant. J'ai l'impression que c'était un peu bon. Je suis pas sûr d'être à l'année prochaine, donc je vais faire. Ça ressemble un peu à un discours d'adieu, un peu en avance. Ce qui me fait surtout rire, c'est du genre on est triste, on se fait bouffer, sauf que c'est lui qui a choisi d'être en bourse, quoi. Donc tu te tais, quoi. T'as perdu, tu te casses, et puis c'est tout, quoi. Bah après, c'est voilà. Bon, moi j'ai pas le même avis que toi là-dessus, mais parce que moi ça me fait. Fallait pas rentrer en bourse. Ça fait... Non, mais moi ça me fait surtout de la peine pour ceux qui sont derrière, quoi, qui se défoncent dans la boîte. Ah bah c'est clair, mais ça me fait de la peine pour eux. C'est vraiment un mauvais coup de gestion. C'est ça. D'ailleurs, je pense que si Bolloré a regardé la conf, à mon avis, il va lancer une OPA sur Aisha Tyler aussi, qui a été la host de la conf cette année. Moi, j'adore, ouais. Hein, je trouve qu'elle a un style super. D'ailleurs, heureusement qu'elle est là, elle était là cette année pour amener du punch, parce qu'au niveau des annonces, bon, c'était pas... C'est bon, pour ceux qui sont fans des licences Ubisoft, il y avait quand même du lourd. Donc il y avait on a vu, même si ça avait fuité avant, il me semble, du Watch Dogs 2. Bon, moi ça m'intéresse pas. Oui, ça avait fuité largement avant. Voilà, mais c'est vrai que je pense que pour ceux qui aiment bien, c'est calibré pour eux et c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Il me semble qu'on a vu du. Il y a un truc de surf à la fin là. Alors oui, alors ça j'allais en parler après. Bon, on va en parler maintenant. C'était la petite surprise de fin. Qui est donc, alors comment il s'appelle ce truc déjà? Zut, j'ai un trou de mémoire. Step, ouais. Donc, c'est un jeu de sport extrême dans un milieu, on va dire, très sport d'hiver, quoi, en fait. Donc, bon, bah, c'est ouais, pas du tout. Ouais, il y a eu un segment film Assassin's Creed, donc voilà, on s'en moque. Oui, alors, le moment un peu rigolo, c'était Trials of the Blue Dragon. Je sais pas si tu oui, ça, si, si, si, ouais. Mais bon, ça, c'est rigolo à regarder, voilà. Bon, après, je sais trials, pas si je m'en va. Fous un peu aussi. Enfin, je m'en fous d'ailleurs complètement. Ouais, je suis pas très fan. En fait, moi, c'est simple, hein. Pour tout ce qui concerne Ubisoft, j'ai regardé les news après la conférence. J'ai pas vu de BGE2, donc en fait, j'ai rien regardé d'autre. Non, bah, c'est vrai que c'est pas trop mon truc. Alors, pareil, il y avait une vidéo de. Ou une démonstration, je me rappelle plus, mais de For Honor, mais pareil, c'est pas trop ma cam. Bon, c'était pas terrible. Je crois qu'il y avait eu du Star Trek aussi, ou enfin, bon, oui, bon. Un truc en VR, non, Star Trek, c'est pas ça. Et apparemment, il parlait d'un truc voilà, en VR. Voilà. Et puis ils ont le seul moment que j'ai aimé, c'est le nouveau South Park, en fait. Parce que j'ai pas fait le premier, et ils ont annoncé que pour pour les possesseurs du deuxième. T'auras le premier gratos en téléchargement. Donc ça pour moi c'est super. Parce que j'avais vraiment très drôle, hein. Le RPG je l'ai fait et c'est. Alors moi j'avais pas du tout, j'ai pas du tout le temps, je veux dire, pour le faire. Et je voulais les combats qui sont un peu chiants, mais bon sinon il est bien. Non franchement il est voilà. Et donc le 2, ce qu'ils ont montré, donc le 1 c'était plus le trip Seigneur des Anneaux Harry Potter et donc le 2 c'est plus dans le trip. Super héros et visiblement ça fait écho à une période dans la série en ce moment, donc ça c'est assez voilà, okay. C'est assez sympa, donc je pense que je pense que le 2 je le prendrai avec effectivement le premier gratos, donc c'est sympa. Puis bon, il y avait les créateurs Oui, ouais. De South Park, donc ça c'est toujours un bonheur de les voir, parce qu'ils sortent toujours deux trois conneries assez rigolotes. Et puis voilà, je crois qu'ils ont peut-être parlé de contenu sur The Division. The Division, ouais. Voilà. Sinon après, que les fans nous excusent, j'ai pas retenu gros. Non, mais si y a des fans d'Ubisoft, ils vont sur les sites et puis regardent quoi. Puis voilà. Voilà. Moi comme perso, j'en ai rien à branler quoi. Enfin. Comme on l'a dit, c'était pas le but. Hein. C'est pas le but de tout lister. Franchement, en dehors de ce qui concerne Michel Ancel, le reste, j'en ai rien à foutre quoi. Bah moi le South Park, j'avoue, ça m'a bien fait rire. Sur les extraits qu'ils ont montrés, c'était assez. Oui, c'est sûr, mais j'ai pas besoin de battre une conférence, tu vois. Non. Bah je vais pas me dire, ah putain, heureusement que j'ai vu la conférence en direct parce qu'ils ont annoncé South Park, quoi, tu vois. Enfin. Non, mais disons que moi qui aime bien, donc comme je disais, regarder toutes les confs, le moment South Park, ça a fait du bien, quoi. Voilà. C'était sympa. Parce que c'est vrai que moi je suis pas fan du tout des licences Ubisoft, vraiment pas. Et donc ce qu'ils ont montré, ça m'a pas parlé du tout, mais voilà, donc le petit moment South Park, voilà, ça m'a bien plu. On n'a pas parlé encore, et là par contre ça va prendre 3 secondes, c'était le PC Gaming Show qui était alors là franchement c'était je crois que même le moment le plus mou d'un Vivement Dimanche avec Drucker, c'est vachement plus haletant que ça. Je sais pas pourquoi ils font ça, ça sert à rien. Bah, surtout, c'est sponsorisé, donc c'est mytho. Donc, déjà, c'est beaucoup de mytho. Et alors, oui, par contre, venant des confs qu'on a évoqués avant, il y avait quand même beaucoup plus de phases de gameplay. Donc, ça, par contre, ça pouvait être chouette. Mais moi, il n'y a vraiment aucun jeu qui m'a botté là-dedans. Et c'était mais chiant à suivre. Mais oh là, c'était à la limite de l'insupportable, même, je dirais. J'ai regardé aucune news. Donc, je pense qu'on peut. Je sais même pas ce qui est sorti de cette conf en fait. Tu vois, à tel point ça devait être naze. Eh ben, franchement, j'ai tout oublié. Il y avait très certainement un truc ou deux à retenir, mais. Ouais. Franchement. Si, je crois qu'ils ont annoncé une carte graphique, non ? Une connerie comme ça, une je sais pas quoi. Oui, voilà. Je sais plus. Voilà. En fait, ils ont présenté du matos et puis c'était vraiment. Franchement. En fait. Tu regardes les news de surcouf et c'est bon quoi. T'es pas obligé de regarder une conf pour ça quoi. Ce qui vraiment prouve qu'elle était particulièrement foirée, c'est que moi qui est un fan de la pomme, donc moi je suis sur Mac et pour le boulot donc j'ai acheté un PC. Et en fait donc je me suis dit donc c'est sûr hein, c'était des bonnes nouvelles la conférence Microsoft parce que il y a des jeux que je vais pouvoir jouer sur PC même s'ils m'attirent pas plus que ça les jeux qui étaient présentés dans la conf Microsoft, mais je me dis tiens si je veux quand même essayer Dead Rising 3 je me laisserais bien tenter, donc je dis tiens je peux jouer sur mon PC là, donc je me suis dit PC Gaming Show, je dis tiens là c'est top, moi j'ai un PC maintenant donc je me sens je suis censé me sentir encore plus t'attends concerné. Ouais, un truc, tu vois, genre je sais pas Portal 3, Half-Life 3. Et c'était alors, il y a sûrement un truc bien qui a été présenté, mais comme j'étais déjà bien fatigué vu que j'ai suivi toutes les confs quasiment et il y a pas un nom, je peux pas donner un nom, voilà. Qui est ressorti. Donc on va quand même attaquer ce qui pour moi a été le gros morceau de cette année, encore une fois, et heureusement qu'ils étaient là, sans fanboyisme, je serais un possesseur d'Xbox One, le dirais très pas... honnêtement, mais putain, la conf Sony, qu'est-ce qu'elle était bonne, cette conf. Était vraiment, vraiment excellent. Et pourtant, il y a pas mal de jeux qui ont été montrés qui m'intéressent vraiment pas, tu vois. Mais... Oui, alors ça, c'est intéressant, parce que, donc en fait, il faut préciser qu'ils ont ouvert avec un orchestre qui joue un thème de God of War, et sachant que moi, God of War, à part le premier, je me suis vraiment énormément désintéressé. J'ai même pas fait le 3 sur PS3, vous voyez, c'est pas moi, j'en ai aimé aucun, donc tu vois, comme ça. Voilà, et donc, rien à foutre de God of War. Faut savoir qu'il y avait un orchestre symphonique sur place, en fait, qui a joué, cool, qui a accompagné toutes les séquences vidéo de la conf, en fait. Donc ça, c'était quand même exceptionnel. Et donc, ça a ouvert sur God of War, alors non pas 4, mais juste God of War, pour l'instant. Ouais, c'est plutôt The Last of War. Voilà, et donc, ils ont réussi, l'exploit, c'est qu'ils ont réussi à m'intéresser. Moi God aussi, of ouais. War, c'est que la vidéo de God of War, je l'ai trouvée vraiment géniale. Enfin, c'est une super montrée, hein. J'ai adoré. Parce que... Le Kratos en beubard version, moi je trouve qu'il a gagné un charisme plus 9000. Mais justement, parce que là, je pense que déjà, en fait, ils sont malins parce qu'ils s'attaquent aux fans de la série. Parce que c'est le même personnage, tu le retrouves, blablabla. Et puis, ils étendent un peu, entre guillemets, leur, leur cible avec les gens qui, comme moi, par exemple, ont toujours trouvé les God of War chiant à mourir, parce qu'à part appuyer sur carré et faire des QTE, enfin, moi, j'ai rien vu d'autre. Sur les graphismes, c'est bien beau, mais... Le 1, il foutait quand même une putain de... C'est vrai que c'était plus des performances techniques, en fait, God of voilà, War. Voilà, et donc, moi, ça m'a vraiment pas du tout intéressé. Et puis, j'aime pas le côté, tu sais... je trouve que c'était très juvénile, tu vois. Et oui, c'était la violence, après, c'est pour la violence. Je bourre des meufs, et puis je voilà, vais taper que, après. Que pour du cul. Bon, bref, vraiment, c'est. Je, bon, moi, je peux pas. C'est pour, ça que c'est pour ça que je m'en suis désintéressé. Passer la claque technique du premier, où n'importe quel mini-boss, ou même pas ennemi classique du jeu, était plus impressionnant que les boss de fin de jeu que tu trouvais ailleurs. Ouais. C'était la démesure, en fait. Le premier, je pense que. Même moi, je m'y suis laissé prendre, c'était la démesure. Le 2, je ne l'ai pas fini, et le 3, je ne l'ai pas acheté. Mais voilà. Mais là, en fait, tu vois... Il y a un changement de ton, ouais. Enfin, d'ailleurs, je prends un exemple, guillemets. Je vois même Kelly, tu vois, quand elle a vu la vidéo de gameplay, donc ma compagne, quand elle a vu la vidéo de gameplay, elle qui ne s'intéresse pas du tout à... Pareil, God of War, elle n'en a rien à branler. Bon, bah là, elle s'est dit, bah heureusement qu'on a une PS4, quoi. Tu vois. Parce que, bah écoute, moi j'en ai pris plein la gueule, c'est super bien mis en scène, c'est magnifique, les dialogues sont malins, bon, t'as la petite scène avec le cerf à la avec fin, Bambi, bon, ouais. Voilà, tu t'y attends. Ah, mais quand tu te prends dedans, c'est poignant quand même sur le moment. Mais voilà, quand tu te prends dedans, c'est exactement ça, l'idée de la hache, je trouve, élémentaire, que tu peux jeter, qui est montée à ta main, en fait, c'est rappelé, etc. C'est je trouve que c'est une super idée de gameplay, il y a des XP. Enfin, c'est vraiment plus le même jeu, quoi. Bah, c'est un changement en fait, de direction, que le nom, quoi, et le personnage. Et c'est très malin, parce qu'en fait, je pense que ça va attirer ceux qui, comme nous, se désintéressaient vraiment complètement de cette licence. Et qui sont un peu plus vieux, peut-être aussi. Oui, aussi. T'as pas tort. Et du coup, alors c'est vrai que t'as certains fans de la licence qui disaient qu'effectivement, là, le Kratos, il avait l'air, enfin, sa manière de se comporter n'allait pas avec. Avec le Kratos un peu ultra violent et rien à foutre des premiers. Ouais, mais en même temps, le côté. Voilà, mais bon, moi je sais pas, je trouve que. En tout cas, moi ça me donne vraiment envie d'y jouer ce que j'ai c'est vu. C'est bien, ouais, c'est clair, moi aussi. C'est bien que ça change. Et si le jeu, il est vraiment. S'il y a un vrai game design, avec une vraie progression, etc. Bon, bah moi c'est dans ma shopping list, il n'y a pas de problème, quoi. Moi je trouve qu'on dirait un mélange de Joël, de The Last of Us et de Zangief. C'est ça. Je trouve qu'il a un charisme comme ça, enfin, c'est, je sais pas, comme quoi la barbe, je sais Jolef. Pas. Jolef. Et ben Jolef, et puis bon, il y a le côté aussi, le côté avec son fils et tout ça, je pense que s'il se foire pas, il y a un truc à faire, quoi, vraiment. Ouais, pour preuve que ça n'a rien à voir par rapport aux autres, c'est que là, on n'est plus sur un trip ni de mythologie nordique, c'est même plus la même mythologie, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment un reboot. Il l'avait total. Pas couverte la mythologie nordique dans l'un des enfin dans la trilogie. Ah bah à la base. J'ai pas souvenir. Grec, enfin au début non oui, mais après ils ah, avaient bah, pas été pas, flirtés peut-être. Un peu avec ça. Moi bah, vu que j'ai joué coin et un peu au deux donc je. Aucune idée. Après je sais pas. Mais du coup bah, je trouve qu'en entrant en matière moi ils m'ont hyper bluffé c'est que bah moi d'habitude God of War j'en ai rien à secouer. Et là, et je pense que ça, c'était vraiment la décision à prendre. Ouais. Parce que je pense que pour ceux qui l'ont fait, le 3, moi je ne l'ai pas fait, mais en tout cas pour les fans du 3, apparemment, c'est vraiment l'apothéose de la formule initiale. Oui. Et je pense qu'ils se sont dit, refaire le même en plus beau, ça n'avait peut-être pas d'intérêt. Donc, pardon, et ils en auraient vendu comme des palettes, hein, je suis certain. Ouais, c'est clair. Donc c'est vraiment une bonne. Alors, le truc de la Consony, ce qui est hallucinant, c'est que. En fait, on va le dire maintenant, parce que sinon on va le répéter après entre deux, voilà, à chaque fois, c'est que pour moi, c'était ça, factuellement, c'était des enchaînements de phases de gameplay ou de vidéo, mais c'est la première fois que dans une conf Sony, on parle aussi peu, et je crois qu'ils ont dû parler peut-être 10 minutes tout au plus à un moment donné. Ouais, tout codé, il doit avoir peut-être même pas, il doit même pas avoir un quart d'heure. Ils ont enchaîné baf sur baf sur baf sur baf parce que ouais, donc ouais. après Kratos Bubar qu'est-ce qu'on a vu on a vu la date et une nouvelle vidéo de The Last Guardian ouais. Moi alors j'ai pas honte de le dire mais j'ai versé ma alors pourtant je suis pas aussi fan de Ueda que toi c'est vrai que moi Ico je ne le porte pas au nu comme beaucoup je trouve que c'est un bon jeu mais pour moi c'est pas non plus un truc hallucinant comme certains ouais. pensent Colossus. Shadow of the Colossus que tu m'avais offert d'ailleurs à l'époque. Il y a des moments où vraiment que j'ai trouvé extraordinaire et d'autres moments où je me suis un peu ennuyé. Il y a des moments de grâce, ouais. Il y a des moments où je me suis un peu ennuyé. Donc, ouais. J'adore Ueda en tant que créateur, mais je ne suis pas non plus un fan absolu de son travail. Mais là, j'avoue, pendant la vidéo, j'ai eu ma larmichette, quoi. Vraiment, j'ai trouvé ça, mais... Bon, pas moi, c'est... Mais incroyable. C'est très joli. Bon, techniquement, c'est quand même... Après, j'ai un peu peur que le système soit laborieux. On est très loin, quand même, des standards actuels, parce que le jeu a 10 ans, juste 10 ans de retard. Bah, mais, t'as l'impression de voir un jeu vraiment, de PS2, vrai. Parfois. Mais par contre, les premiers retours des gens qui ont testé font quand même peur, et ça revient sur des discussions qu'on avait eues tous les deux. Alors, j'ai pas suivi les premiers retours. Alors, qu'est-ce que t'as lu là-dessus? En fait, rappelle que je te disais que... Et ça, j'en démordrai pas parce que de toute façon, c'est pareil. J'ai mis ma moustache d'Hercule Poirot et. Tu fais un t'as peu mis ta moustache d'enquêteur, t'es peu... parti. Ah, et t'es un peu logique, tu vois. Et pareil, ayant ma société donc d'édition et création de jeux, je sais quand même un minimum de quoi je parle et je dirais pas ça s'il n'y avait pas connaissance de cause. C'est comme pour Scalebound. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont demandé un financement à Sony. Là, c'est même plus qu'un financement, ça a été un partenariat pour ce jeu-là. Et qu'en fait, pendant à peu près 5-6 ans, ils ont juste soutiré du pognon et rien branlé. Parce que bah, c'est UEDA, il était sous la coupe Sony, de toute façon. Donc voilà. C'est un studio first party, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et après, il y a eu les soucis qu'on a su, que UEDA est parti, mais soi-disant, il continue à travailler en externe. Mais pourquoi il est parti, à ton avis? Bah, ils ont foutu la diva dehors, quoi. Ils ont été payés 6 ans à se toucher la nouille. Ils ont rien fait, rien fait, rien fait, rien fait, rien fait. Ils ont monté un trailer, c'est tout. Et puis là, t'es en train de dire, ils se sont dit merde, il va falloir faire un jeu, quoi. En direct live et en différé pour nos auditeurs, que la team Ueda, elle a un petit peu, elle a été un petit peu surestimée et un petit peu trop, comment dire. Ouais, surestimé et peut-être injustement porté aux cieux, et que c'est qu'une bande de branleurs. Est-ce que c'est ça que t'es en train de dire? Bah, y a pas que du faux dans ce que tu dis, quoi. Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Écoute, merde, le dev, on a quand même assez d'expérience, toi, dans le journalisme, et maintenant un peu dans le dev, et moi dans le dev depuis quand même je sais pas combien d'années, pour savoir qu'on met pas autant de temps pour faire un jeu. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Bah, je pense que si un jour il y a un post-mortem sur The Last Guardian, il sera très intéressant à suivre, puisque... Tu ne mets pas 10 ans pour faire un jeu. De toute façon, je veux dire, c'est technique, tu vois. C'est technique. Un jeu vidéo, ça ne prend pas... Mais surtout que, je vais être méchant, mais là, je vais partir sur des considérations un peu plus terre-à-terre. Mais là, c'est pas No Man's Sky qu'ils essayent de faire. C'est quand même un truc qui est assez fermé, qui est censé être calibré. Qui est ultra scénarisé. Qui est ultra scénarisé. C'est pas un monde ouvert où tu explores des planètes. Ou... En fait, moi, je remets pas en doute le côté artistique, etc. Oui, c'est beau. Oui, je vais adorer. Il n'y a pas de souci, etc. Voilà. Mais t'as peur pour l'expérience en elle-même, quoi. Mais non, c'est pas une question de ça. C'est juste que c'est une question de principe. Ce jeu, c'est un hold-up. C'est des gens qui ont soutiré du pognon qui auraient pu aller ailleurs. À d'autres studios ou à d'autres gens, tu vois, qui sont peut-être au chômage ou je sais pas quoi, et ils ont rien foutu. Ah bah Sony, ils ont fait des coupes ces derniers temps, Sony, hein. pas autant que certains autres, mais pourquoi Ueda il s'est fait têche et que soi-disant après il était freelance, tu vois, sur le projet, alors que c'est son jeu à lui, merde, c'est son jeu, quoi, hein. C'est parce qu'il a rien branlé, je suis désolé, tu mets pas 6 ans à faire un moteur qui fait bouger des plumes, tu vois. Non mais c'est vrai, oui mais l'animation ça va pas, oui mais tu sais c'est comme Nomura quand il s'est fait tâche d'FF15 parce qu'il a mis genre un an pour faire une texture qui ressemble vraiment à du cuir, quoi. Ah. Non mais va. Mais si tu me parles de Nomura, ça va réveiller mon ulcère, alors attention. Mais t'as raison, mais tu sais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que la team ICO, on a tendance à chaque fois à les porter au pinacle et moi tu vois quand je dis à chaque fois que ouais, pour moi, tu vois, ICO, c'était super sympa, mais c'est pas non plus la révolution absolue de tenir la gamine par la main et de l'amener. C'est vrai que c'était très intéressant, mais moi j'y ai vu vraiment qu'un Prince of Persia amélioré. Bon, après, c'est mon avis. Hein. Alors que pour moi, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Non, bah alors, tu vois, donc, ouais. Ce qui prouve que ton avis est d'autant moins de mauvaise foi. Ton avis est d'autant moins de mauvaise foi. C'est que c'est vrai que la team ICO, t'as l'impression que c'est les intouchables, ils sont. C'est pas parce que t'aimes que ça te rend aveugle. Quand t'abuses, t'abuses. Et là, c'est abusé ce qu'ils ont fait. Et en plus de ça, genre, je veux dire, putain, quelques mois avant la sortie, on apprend quoi? On apprend que le petit, il aura un bouclier pour déplacer des faisceaux, etc. Alors, ça sent vraiment la mécanique pour faire des énigmes, putain, rajoutée au dernier moment, tu vois, pour, parce que le jeu, ouais. Il devait faire 3 heures. Ils ont changé le design, d'ailleurs, au gosse. Je sais pas si t'as vu, mais il a plus le même visage. Hein. Ouais, ouais, ils ont changé un peu le design. Bon, ça, c'est pas mal. Hein. Enfin, mais... ça, c'est, ça me dérange pas, tu vois, de changer des trucs. Alors, et ces mauvais retours de la direction artistique dont tu parlais, moment, que t'as lu, parce que moi j'ai pas eu le temps de les lire. Ces mauvais retours que tu as lu, ça portait sur quoi exactement? Non, c'est, mais jouabilité flottante, ouais. Et confuse, problème de caméra, problème de lisibilité de l'action. Je suis désolé, les mecs, à ce moment-là, je vais prendre mot pour mot. Ça fait 10 ans que vous êtes sur le jeu, le minimum c'est d'avoir un système de caméra parfait, sans faille, et j'insiste bien, sans faille, zéro bug. T'as eu 10 ans, mon gars, pour faire des tests. Tu n'as même pas le droit, mais juste mais un centième de seconde, d'avoir une faille dans ta caméra, dans la lisibilité, dans la jouabilité. Et là, c'est quoi les premiers retours? Des fois, on comprend rien. La caméra qui part complètement en couille, comme dans Colossus, d'ailleurs. À croire que finalement, ils ont repris des bookcodes de Colossus, tu vois, parce que ils ont retrouvé. Les joueurs ont trouvé les mêmes problèmes et les mêmes errements de caméra, la caméra qui tremble rapidement sur les côtés quand elle tourne, etc. C'est des bugs bien spécifiques de Colossus, tu vois. Et on les retrouve dans The Last Guardian. Non mais attends, soi-disant c'était compliqué de faire le jeu, blablabla, nouvelle techno. On retrouve les mêmes bugs que dans un jeu qui a 10 piges. Non mais ça veut potentiellement dire qu'ils ont repris des morceaux de code en plus. Et le jeu sort 10 ans après. Moi ça me fait peur ce que tu dis là, parce que moi déjà le système de la grosse bestiole... qui apparemment aura... Alors moi, j'ai l'impression qu'ils ont dit qu'il y aura une IA... Parce que je sais pas si t'as vu, Ueda, il a déclaré, c'était un peu de temps avant l'E3, il me semble, qu'il avait peur un peu de la réaction des joueurs, parce que, soi-disant, tu vois, l'IA est pour plus de réalisme, mais moi, j'ai l'impression que c'est tout le contraire, justement, c'est parce qu'elle doit vraiment pas être au point, que la réaction de la bête, parfois, pouvait être imprévisible. Tu vois, qu'il fallait un peu l'apprivoiser, que c'était pas... Je pense que c'est juste qu'il y a des armements. Voilà, moi je pense que c'est ça. Et ça me faisait un peu peur. Et quand on voit le jeu, ce qui me faisait déjà un peu peur, et là, ce que tu viens de dire, ça confirme tout ça, c'est que on a envie d'y jouer pour l'univers. C'est mais ça. Ouais. Sur le papier, mais pas pour le jeu. Sur le papier, et même en vidéo, ça fait des beaux trailers, ça fait des belles séquences. Mais tu dis, est-ce que ça, au bout de X heures, est-ce que ça va pas me saouler? Sachant que moi, le Ico, qui est vraiment, voilà, que même toi le premier, tu vois. Tu le portes aussi et tout. Même moi, Ico, au bout d'un moment, le principe m'avait un peu saoulé, parce que Ueda, c'est un peu un jeu à système, à principe, c'est-à-dire qu'il a une idée de gameplay, une ou deux, et tout tourne, ou presque, autour de cette expérience-là. Et si tu n'adhères pas au début, et si les situations ne sont pas assez renouvelées, et si le level design n'est pas là pour faire monter la sauce, ça fait un peu flipper. Moi, je l'attends, mais il me fait peur. Après, c'est toujours mieux ça qu'il ne sorte jamais. Ou alors, est-ce que c'était mieux qu'il ne sorte pas et qu'on se fasse une idée idéalisée de The Last Guardian? Je sais pas, mais... Non, mais c'est pas ça. C'est que je pense que ils ont mis... si tu mets autant de temps à... Enfin, tu vois, je veux dire, si tu fous rien, parce que c'est ce qu'ils ont fait, faut arrêter. On va pas de... C'est pas une question d'avis. C'est ou alors, ils ont travaillé comme des forcenés sur une direction, puis à la fin, ça allait pas du tout. Ben, après, non, bon, mais non. Pas. Mais non, parce que le premier trailer est arrivé très vite quand même. Donc, et là, ceux qui ont testé le jeu, Julien Chess disait que le début du jeu, c'est genre le tout premier trailer qu'on avait vu avec la chaîne, cette fameuse salle un peu ronde, etc. Ah ouais, donc, ah, non. Putain, c'est... Non, c'est peur. Juste qu'ils ont montré un trailer, ils avaient quelques modèles 3D, ils se sont dit « Ok, c'est cool, maintenant, voilà, on va se faire payer pendant X années pour bosser sur notre jeu », sauf qu'au bout d'un moment, ils n'avaient rien. Il y a encore pas longtemps... de ça, je sais plus, je crois il y a peut-être un an ou un an et demi, t'avais un des développeurs, pas Ueda, un des développeurs qui disait « Bon, maintenant la techno, elle est OP, mais maintenant faut mettre un, faut commencer à faire le gameplay, pour l'instant, il n'y a pas de physique, etc. » quoi. Un des développeurs qui t'explique, genre il y a un an et demi, deux ans là, donc c'est-à-dire au bout de 8 ans d'attente, qu'il n'y a pas de physique et qu'il n'y a pas de gameplay encore. Putain, mais c'est des cousins à la team FF15 ou quoi là? Je sais pas. Ils vont former un club à la fin. Donc tu vois, quand t'entends ça, tu fais mais. Ça fait j'en peur. Parlais avec un pote de chez lui. Même lui, je pense que chez tous les développeurs, on est assez d'accord. Voilà, ils se la sont coulée douce, c'est tout. Faut pas. Oui, alors ok, ils ont fait des jeux extraordinaires pour la plupart des gens juste avant. blablabla, mais c'est pas des anges non plus, quoi. Tu vois, enfin, c'est pas parce qu'ils ont fait des bons jeux que c'est des gens sympas, tu vois, qui vont pas voler de l'argent à un constructeur. Ils ont volé de l'argent à Sony, ils ont rien foutu. Et là, faut livrer un jeu, et je pense que t'inquiète que Sony sont bien dégoûtés. Regarde, ça fait les trois derniers trailers de The Last Guardian, ça fait un peu comme FF15, c'est les mêmes endroits, c'est les mêmes modèles 3D, et c'est les mêmes scènes quasiment à chaque fois. C'est parce qu'il y a rien. Ouais, c'est le jeu, il va faire 4-5 heures grand max. Alors le truc, c'est qu'est-ce qu'il y a plus de, il y a plus de hype que de contenu dans le jeu, quoi. C'est ça qui est, c'est qui ça. Après, il y aura une belle histoire, il y aura des belles musiques, il y aura des beaux panoramas. Mais surtout que ça vend pas là-bas, c'est que, enfin, ICO et Shadow of the Colossus, ça a toujours été des jeux plus d'estime. Ça a pas été des cartons monumentaux non, c'est clair. Commerciaux. Là, alors je sais pas pour The Last Guardian, vu le succès insolent de la PS4 et vu qu'on en parle beaucoup. Donc, il y a peut-être une chance qu'il se fasse descendre. Moi, je pense qu'il aura. À la sortie, quoi. Ouais, il aura une bonne presse, mais il n'aura pas une presse de ouf, parce que les gens ont trop attendu, et que ça va être un jeu, ça va être un bon jeu, mais ce ne sera pas un jeu non plus extra. Ce sera un jeu artistiquement, avec énormément de caractère, et assez. Mais après, est-ce que c'est pas un peu. Bluffant, mais après, voilà, c'est ça aussi que. Parce que. Donc, on rappelle, il sort le 25 octobre. Est-ce que c'est pas aussi un petit peu un cache-misère de dire il a une direction artistique extraordinaire, parce que la direction artistique elle est bien, mais elle est complètement dans la lignée, je trouve, hein, des deux précédents, Ueda. Ben, c'est le même univers, hein. C'est exactement le même univers, alors que quand à côté, pour passer au jeu suivant, moi qui m'a énormément marqué, qui m'avait marqué l'année dernière, mais alors là c'est confirmé à 1000%, quand tu vois Horizon, Parce que tu vois, c'est pas. Tu passes là de tout l'un à tout l'autre, parce que là, il y a une direction artistique qui t'abasse. Voilà, c'est. T'as des développeurs, voilà, ça fait peut-être 3 ans, gros max, ils bossent sur les projets, tu regardes Horizon, où ça en est au niveau du développement, et ça sort déjà en 2017. Mais c'est tu ouf. Tu vois le jeu, le contenu qu'il a l'air d'avoir, la gueule qu'il a. Mais de toute façon, des exemples comme ça, il y en a plein. Hein. Regarde, quand tu vois que t'as, je sais pas. Naughty Dog qui arrive à sortir des bons Naughty Dog, c'est pas le bon exemple. Ah, mais ils sont au-dessus. Voilà, on prend Insomniac, tu vois, qui sort Ratchet & Clank, le jeu ils l'ont peut-être fait en 2 ans. Bah, regarde la gueule du jeu, c'est une... super bah, beau. C'est un Pixar jouable, quoi, tout simplement. Donc, voilà, c'est pour ça c'est super drôle, etc. Et puis, Cacher derrière la. Parce que moi, je suis désolé, tu vois, The Last Guardian, il est beau. Enfin, le design, voilà, la direction artistique, effectivement, est très plaisante. Non, mais techniquement, c'est pas top, hein. C'est un jeu PS3 techniquement, amélioré. C'est pas top, et la direction artistique, il n'y a pas eu non plus de recherche sur le design pendant des années, puisque on retrouve, c'est dans le même univers, quoi. Enfin, oui, il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de vraie révolution là-dessus. Et c'est pour ça que, peut-être aussi, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que si vraiment il s'avère frelaté pour de bon, non, on va lui laisser le bénéfice du doute, mais... quand il sortira, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté, bon, c'est un jeu Ueda, et voilà, il ne faut pas que les journalistes aussi soient un peu sclérosés et soient influencés par le fait que c'est un jeu Ueda, parce que si ça se trouve, il n'y aurait pas marqué Ueda, ce serait un jeu d'un studio complètement inconnu, tu vois, il serait peut-être un peu plus massacré, y compris au niveau de la presse, tu vois. Oui, bah oui. Donc bon, voilà, à voir, parce que quand tu vois Horizon, je reviens sur Horizon, moi, ce qu'ils avaient présenté l'année dernière, ça m'avait impressionné, une béclaque, ouais. Sachant que comme beaucoup... Qu'on flashait sur ce jeu, moi j'étais pas super fan de ce que faisait Guerilla avant, et moi Killzone j'aimais pas du tout. Non plus. Mais là, waouh! Pour moi c'est lui le vrai Shadow of the Beast. Oui, avec Rebelle en héroïne, quoi. T'as vu l'anime de l'héroïne, mais l'anime monstres, non. L'anime du monde. De toute façon, ça a l'air d'être une sorte de TPS RPG. On dirait que c'est un mélange, je sais pas, de web, c'est ça, de TPS et de Mass Effect, quoi, ça avec la roue des dialogues et tout. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais putain. La vache, mais ça fait super envie, quoi. C'est vrai, tu vois ça. Et ça fait plaisir des DA avec pareil, tu vois, beaucoup de caractère. Ça fait pas de concession, tu vois. Et l'héroïne, elle est géniale parce que ce que j'adore, c'est que c'est pas la bimbo de base. Pour une fois. Tu vois son visage, elle est limite. On peut pas dire qu'elle est moche non plus, mais. Elle a pas un minois adorable du tout. Enfin, vraiment, En fait, c'est surtout ses fringues et sa coupe de cheveux qui lui donnent beaucoup de caractère. Parce que le visage, elle a un visage de PNC, quoi. Elle est charismatique. Tu la vois, t'as envie de jouer avec. Je veux dire tout de suite. Elle est charismatique. L'univers, les animations, Mais bon, le principe de câble qui m'avait déjà bien impressionné l'année dernière, là on en a vu plus. Ouais. Mais je trouve que c'est une super idée. Et puis surtout, moi je savais pas que c'était un monde comme ça, tu sais, genre avec une map et tout, tu te déplaces avec. Ah voilà, le fait que le monde soit genre assez énorme. Un peu à la Witcher, tu vois. Ça on le savait pas. Alors, enfin. Franchement. Puis surtout avec de l'XP, du bon, un peu de craft. Bon, ça, de toute façon, maintenant, dans les jeux, si tu mets pas de craft, t'as l'air d'un con. Donc voilà. Zelda. C'est devenu la norme. On en parlera tout à l'heure. Mais non, franchement, non, moi j'ai je pas, crois qu'il n'y a rien à dire de plus. C'est que c'est vivement qu'on y joue. Vivement qu'on y joue. C'est beau, on l'attend. Grosse surprise de Guerrilla confirmée cette année. Bon, voilà, c'est pas très grave qu'il ait été repoussé. C'est pas trop dérangeant du moment que le jeu, voilà, qu'il le termine bien. Moi, je préfère bien, attendre. Et pareil, que le jeu soit aussi, top. Parce que il y a plein de jeux cette année déjà, hein, de toute façon. Donc, Guerrilla, techniquement, ils ont toujours été au top. Bon, c'est vrai qu'on se souvient des trailers bullshit, des Killzone qu'ils faisaient. Bon, ok. Mais c'est vrai que les jeux, quand les Killzone sortaient, techniquement, ils étaient quand même toujours hyper, hyper carrés. Ouais, après, c'est un univers et un gameplay, moi, qui me plaisait pas du tout. Oh, non plus. Mais ouais, là, les mecs, ils ont pris un level. Enfin, c'est impressionnant. Ouais. Bref, après. Bon, on a eu du David Cage, donc le moment lol de David Cage. À la foutre. Avec cette séquence, je sais pas si t'as vu, où là t'as tous les clichés des téléfilms de seconde partie de soirée américains. Comme d'hab, j'ai eu peur qu'ils soient pas encore. Et puis ils te vend encore la même soupe, du genre c'est ton propre scénario, blablabla. Ah, on s'en fout. Ce jeu dont tu es le héros. Bah oui, comme les autres jeux. Sauf qu'il y aura 40 scènes de douche dans le jeu, comme dans tous ces jeux où les persos passent leur temps à prendre des douches pour les voir à poil. Non mais là je me ferai pas voir une deuxième fois, c'est que j'attendrai de l'essayer par culture perso toujours quand il sera hyper bradé, parce que après avoir été déçu par Heavy Rain où tout n'était pas acheté quand même pour moi, mais j'étais quand même très déçu. Acheté, bon. Beyond Two Souls, j'ai acheté Day One, je m'en suis arraché les bollocks quoi. Enfin c'était vraiment on pourrait faire même un épisode dessus tellement tout est à jeter dans Beyond Two Souls. Donc là, bon, arnaque, ce jeu. Voilà. Et donc la vidéo a confirmé ça. C'est donc on passe direct. On va pas parler de ça. Ce serait utiliser du temps inutilement. Si tu sais ce qu'il devrait faire, j'ai vu qu'il y avait une photo des bureaux. C'est vrai que j'y demande si c'est toujours le cas, parce que j'avais un ancien stagiaire qui bosse chez Quantic maintenant. Enfin, maintenant, depuis longtemps d'ailleurs, en game design. Dans leur bureau, ils avaient écrit en gros émotion. Il me semble, tu sais, c'est écrit en gros, il me semble, dans leur bureau. Emotion, auto-emotion. Et tu sais, pour dire genre ouais, c'est le leitmotiv et tout, moi je pense qu'ils devraient écrire gameplay en gros. Et scénariste aussi, scénario. Oui, c'est ça, scénariste, gameplay. Il faudrait tous en fait, tu amusement. Parles de stagiaire. Il faudrait en fait, parce que moi aussi j'ai des copains. Qui sont chez Quantic, et ça m'a fait chier pour eux, parce qu'ils prouvent que je dis toujours ce que je pense. C'est vrai que sur Facebook et ailleurs, je mettais, parce qu'à l'époque, Beyond Two Souls, en fait, j'ai vraiment été écœuré, quoi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup posté dessus, j'ai écrit beaucoup dessus. En fait, pour te dire, moi, ça m'a fait chier aussi par rapport à Heavy Rain, parce que j'ai un pote. En fait, le pote que j'ai, alors peut-être qu'il se reconnaîtra s'il m'écoute, mais c'est vrai qu'on se parle plus depuis longtemps, parce que voilà, c'est comme ça, c'est les choses de la vie. On s'est perdu de vue. Il est encore en boule dans un coin, en pleurant, pensant à ce que t'as dit sur le jeu. Mais alors, non, c'est... Je sais pas s'il est encore chez eux, mais en fait, lui, il s'est tapé vraiment toute la gestion d'une scène dans une gare, dans Heavy Rain. Parce qu'en fait, genre, t'avais une équipe dédiée par scène, tu vois. Du moins, à un moment du développement, t'avais une team, une scène, quoi, entre guillemets. Ouais. Ou un lieu, je sais plus, enfin, c'était soit l'un, soit l'autre. Et lui, vraiment, c'était genre le boss, tu vois, d'une scène où c'était genre dans une gare, genre un peu Austerlitz, tu vois, où il y avait une scène où un train arrivait, un perso descendait, t'avais des trucs à faire dedans, etc., blablabla. Et en fait, il a bossé genre 9 mois là-dessus, il s'est arraché les cheveux pour faire les mouvements de foule, etc., et finalement, ça n'a pas été retenu, je crois, ça a été transformé en une scène de cauchemar ou une connerie comme ça, quand non, le mais héros, c'est ça, là, c'est que... qui arrête en pas fait... de gueuler... C'est pas les équipes qu'on accable, puisque en fait c'est Cage le capitaine, et en fait voilà, c'est lui qui a la vision. Ça. Bon, la vision elle va pas plus loin que le bout de son nez, mais c'est lui qui a la vision. Pas plus loin que le bout de sa bite, je sais pas. Parce que franchement, entre les scènes de douche, les meufs à moitié à poil, tous les persos féminins roulent du cul, même quand c'est des moments graves. Enfin, la scène d'amour dans Heavy Rain, j'ai l'impression qu'on. qu'on voyait la scène dans Team America, là, justement, oui. des créateurs de South Park, où t'avais les petits mannequins à Thunderbirds qui faisaient l'amour. Enfin, bref. Et du coup, non, c'est eux, c'est l'équipe qui devrait envoyer leur boss, donc David Cage, en stage chez Naughty Dog. Donc, ouais. ils apprennent ce que c'est d'écrire un scénario, de faire des séquences qui s'inspirent du cinéma, mais qui sont jouables comme un vrai jeu vidéo. Donc ça, ce serait intéressant. Mais donc voilà, donc, on en a déjà trop parlé, je pense. Ouais, c'est clair, c'est trop lui faire d'honneur. Moi, je trouve que Sony a enchaîné, alors qu'ils en avaient sous le coude, parce qu'ils auraient pu mettre un petit bout, même une petite vidéo, tu vois, de Shenmue 3, ça aurait soulevé les foules. Ouais, une petite séquence de 2 secondes d'FF7 Remake. Moi, c'est mon grand absent, bon, FF7 Remake, plus ça avance, plus j'en ai plus rien à foutre, mais... Ils en avaient encore sous le coude, quoi. Ouais, je suis un peu... Moi, je suis un grand fan de Shenmue et je suis un peu dégoûté de pas l'avoir... Non, mais même, tu vois, deux trois images, tu vois, ou je sais pas... Non, mais c'est dire le luxe qu'ils peuvent se permettre, tu vois, ouais. Sachant qu'ils ont enchaîné. Et alors, boum, là où je suis tombé de ma chaise, moi, c'est le moment, hein, où, voilà, c'était le moment émotion de la soirée. Moi, c'était Resident Evil 7. Ouais, c'est clair. Ouais. Voilà, où là, il y a une... Donc, il y a la démo, hein, qui est jouable pour les possesseurs de comptes PS Plus. Donc bah voilà, écoute, c'est complètement pompé sur Pity et sur plein de jeux d'horreur à la première personne, que ce soit Amnesia et compagnie. Mais putain... Mais moi... c'est à la mode. Non, mais j'aimerais dire un truc, c'est que Capcom, qu'on critique souvent de faire des suites, de faire ceci, pour moi, hein, alors attention, hein, vous n'êtes pas obligés d'être d'accord, mais ceux qui écoutaient, pour moi, c'est eux qu'on... Je leur donnerais les prix des, je sais pas, des Coroness 2016, en fait, dans le milieu... Parce qu'il faut savoir quand même que Resident Evil, c'est quand même la franchise la plus rentable de Capcom. Hein. C'est avec ça qu'ils font le plus de thunes. Ouais. Le 5 et le 6. Mais ils sont super bien vendus, même si nous, tu vois, on les aime. Non, pas, mais 5 et 6, ça a été des cartons. C'est les plus... Resident Evil 5, c'est le plus gros carton de Capcom. Donc, mais au-delà de Street, de tout ce que tu veux, hein, c'est la cash machine. Non, mais Street, ça vend pas. Donc, Et le, oui, et puis surtout maintenant. Et le 6, même s'il est un peu moins vendu que le 5, ça a été un carton. Bah, mais oui. Vraiment, ça rase un carton. Et là, ils prennent tout l'envers du truc, ils retournent donc à l'horreur pure, mais ils vont encore plus loin, parce qu'il n'y a pas de troisième personne, et ça a été confirmé, hein, c'est pas que dans la démo. Le jeu sera jouable à la première personne. Il sera loin visuellement des standards actuels, puisqu'il sera compatible VR, PlayStation VR. Donc, oui, ouais, ouais. Donc techniquement, c'est pas ouf. En fait, ils font tout l'inverse de Resident Evil 5 et 6. Ce sera moins beau, ce sera la première personne, et ce sera de l'ambiance. Donc, franchement, je leur dis bravo. Parce que même si c'est vrai que moi la démo j'ai fait plusieurs fois, c'est vraiment Pity en moins bien en fait la démo. Hein. Faut être honnête quand même, c'est quand même Pity en moins bien. Mais ça reste efficace. Hein. La démo j'ai vraiment bien aimé. Hein. C'est pas ouf, mais c'est sympa. Et c'est un segment qui sera pas dans le jeu. Série B quand même. Ouais, de toute façon ça a toujours collé à Resident Evil le côté série B, oui, donc c'est très bien. Oui. Et du coup là c'est un peu une ambiance, la colline à des yeux, tu vois, tous ces films un peu avec des rednecks complètement barges, côté massacre à la tronçonneuse, etc. Bon, même si les producteurs, il y a des interviews qui sont tombées entre-temps, en fait, ont bien précisé qu'on restait dans la mythologie. Hein, c'est pas un reboot, hein, c'est bien Resident Evil 7. On reste, la mythologie, tout ce qui s'est passé avant, c'est pas la poubelle, hein, pas du tout. Ouais. Le segment de la démo, c'est pas un segment jouable. Oui, ce sera pas dans le jeu. Et ce sera pas ce personnage-là qu'on incarnera. Ouais. Est-ce que là, on incarne le caméraman d'une émission, vous savez, ces émissions qui sont très à la mode, des Ghost Hunters, voilà, qu'on a partout, ça. Et en fait, j'ai savourer cette démo, je l'ai fait deux fois. D'ailleurs, faut que je la mette sur ma chaîne. Oui, j'ai une chaîne chez Bruno. Venez vous abonner sur YouTube. Il y a des vidéos rigolotes. J'ai fait un petit Twitch vite fait de la démo hier. Faut que je la poste. C'est pas la fulgurance, c'est pas la claque de Pity. Mais par contre, c'est putain, ça fait plaisir qu'ils prennent ce risque-là, quoi. Enfin, moi, je sais pas ce que t'en penses, mais C'est hyper couillu, quoi. Moi, c'est pareil. Je suis plutôt content parce que j'ai pas aimé Resident Evil 5. Le seul truc que j'ai aimé, c'est de le faire avec Raphaël, avec notre cousin. Sur Xbox, on l'avait fait quand même en entier. Moi, j'ai aimé la première heure. Après, comment ? Moi, Resident Evil 5, j'ai aimé la première heure. Voilà. En fait, nous, on s'est tapé quand même des sacrées crises de fou rire en y jouant. Mais bon, t'es pas censé ressentir un survival. Avec des crises de fou, c'est pas une comédie. Normalement. Voilà, c'était pas fait pour ça, mais en tout cas, nous, on a bien trippé. Le 6, j'y jouerai jamais, ça m'intéresse pas. parce que c'est pareil. En tant que fan, j'ai fait tous les scénars, j'ai tout fait. Voilà. C'est un gâchis monumental, le 6, ouais. Voilà. Donc moi, je suis content qu'ils changent complètement la formule, parce que justement, voilà, ça me fait plaisir de voir du Resident Evil différent. J'aime bien les survival, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire, à part que, bah ouais, s'il est pas trop cher, je le prendrai. Moi, le seul truc qui me dérange un peu, c'est bon, je crois que ça, on pourrait en faire pareil, un podcast, et on va pas trop, sinon il va durer 4 heures le podcast. Donc, Oui, mais c'est bien, ça nous donne des idées de sujets pour après. Voilà, mais je pense que la VR, c'est une grosse enfilade, et qu'on en entendra bientôt. Je pense plus parler dans 4-5 ans. Tu verras que dans les prochaines générations de consoles, on n'en parlera même pas. Alors là, tu me fais une belle transition, parce que justement... Parce que cette folie là, de faire tous les jeux en VR, si le casque coûterait 100 balles encore, je veux bien, mais... Voilà, donc il était annoncé à 400 euros. Voilà, il sortira le 13 octobre. Ça te coupe complètement. Moi, je me vois pas jouer à Resident Evil 7, tu vois, genre. Vois. Alors justement, c'est intéressant parce qu'on n'a pas le même avis en fait. C'est que en fait, le casque, et comme tu dis, on va pas faire 3 heures là-dessus parce qu'on s'écarte du sujet. Mais c'est quand même important parce qu'il est annoncé. Enfin, la date est annoncée, le prix aussi. C'est cher. Voilà. C'est vrai que moi, j'ai dit à Noël, je vais ramoter tout le monde. Hein, il me faut une cagnotte. Parce qu'en fait. Bon déjà, moi je suis comme tu sais, Resident Evil, c'est une de mes séries, voilà, phare. Ah oui. Donc là, y jouer au VR, je pense que moi ça va être une expérience vraiment très intense pour moi. Donc ça, moi quand j'ai vu ça, j'y vais, c'est bon. J'étais déjà titillé avant par le casque, là je le veux. J'ai vu des trucs, ils ont montré Star Wars, tout ça, moi ça me fait envie. Après c'est cher. Après, effectivement, on n'est pas sûr. La VR, c'est intéressant. On n'est pas sûr que ça dure plus d'une génération. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est pas dit que dans 5-6 ans, ce soit encore. On ne sait pas. Même si tant que ça te ferme, ça ne rentrera jamais en masse dans les foyers. Alors, ça, c'est vrai que bon, après, on peut jamais présumer de rien. Mais moi, je pense qu'effectivement, c'est une techno. Moi, je trouve que le casque de Sony, c'est lui. Tout va se jouer avec lui. Pourquoi ? Parce que les autres, que ce soit le HTC, que ce soit l'Oculus, c'est effectivement la technique est encore plus au point, c'est plus beau, etc. Mais c'est trop cher. C'est trop cher et ça n'arrivera jamais dans la sphère, on va dire, grand public. Ah mais Bruno, 500 balles, c'est pareil. Hein. Alors le casque de Sony coûte 400 balles. C'est vrai que c'est oui, cher. Oui, 400 balles, pardon. Non, mais ça reste très cher, je suis d'accord. C'est pas réaliste. Voilà, ça reste très cher. Mais par contre, il faut voir... C'est plus que très cher. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais... Elle est plus chère que la console. Mais laisse-moi finir. S'il vous plaît. Le casque est très cher, je suis d'accord. Mais par contre, le parc de PlayStation 4 installé est quand même assez énorme. Et donc, c'est-à-dire que je dis pas que ça va cartonner. Je dis que si carton il doit y avoir, ce sera côté Sony. Si côté Sony, ça ne prend pas, ça restera qu'un accessoire de technophile limité à un public, à vraiment une petite niche. Voilà. Et on en parlera, ça prendra pas. C'est forcé. Donc, c'est forcé que ça prendra pas. C'est intéressant de voir ce que ça... Moi, par contre, je dis juste que ça prenne pas. Là, je te parle même plus de prix. Je te parle que moi, en tant que joueur, j'ai putain envie de faire Resident Evil 7 avec le casque. Voilà, mais moi, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire avec le casque. Mais... Maintenant, commercialement, c'est la grande inconnue, je suis d'accord. Mais voilà, quand tu proposes un device à 400 euros, tu veux que je te dise, c'est la loi du marché, Bruno, c'est comme ça. Mais c'est même chaud, à 100 balles, c'est... c'était pas sûr. Non, mais... Même à 100 balles, c'était pas sûr. Bah, disons que moi, je le voyais plus à 300, tu vois, dans les 300... Mais 400 euros... C'est chaud. Fallait même pas le sortir. Quoi. Mais ça sert à rien. Franchement, moi je pense que c'est HoloLens qui va tout cartonner. Bref. Non, mais tu vois, regarde, je prends un exemple. Même quand tu sors une console avec 4 ports manettes, tu vois, bah t'es même pas sûr que les gens achètent 4 manettes pour jouer à 4. T'es même pas sûr parce que acheter une manette, c'est pas un jeu, hein, c'est un device. Hein. Les manettes elles coûtent 30 balles généralement. Acheter une manette 30 balles, bah déjà. Même moi, en tant que joueur, ça me saoule de mettre 30 balles dans une manette, tu vois. Oui, mais je pense imagine un device qui fait qu'en plus, de toute façon, tu seras tout seul. Tu peux même pas en profiter avec quelqu'un. Ce que je veux dire, c'est que... Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais vraiment, ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est que si ça doit marcher, le cheval de Troie ou le Bénis, ce que tu veux... Ah, bah le cheval de Troie de la VR pour le jeu vidéo, c'est Sony. C'est Sony. De toute façon. Parce qu'en face, quand tu vois le prix d'un Oculus, parce que c'est pas tout... Tu veux l'Oculus, mais attends, après faut t'équiper dans ton PC, hein. Parce que c'est pas le PC de Monsieur Tout le Monde qui va pouvoir le faire tourner. Hein. Bon, ah bah non, il y a le côté quand même plug and play des consoles qui est toujours très plaisant. C'est que là, tu branches, voilà, tu lances le truc, machin. Donc, si ça doit marcher, c'est par Sony que ça va commencer en fait. Et voilà. En plus, je crois qu'il faut la caméra en plus, non ? Oui, alors moi la caméra je l'ai déjà. Ah, tu vois, regarde, par exemple, moi je l'ai pas. Voilà. Non mais voilà, c'est vrai. T'imagines la merde. Et puis il faut des PlayStation Move. Pour certains jeux. Ouf, oui, d'accord. Resident Evil 7, j'ai pas. Alors là, par contre, j'ai un doute. Non, mais de toute façon, Resident Evil 7, il va jouer à la manette. Enfin, je vois pas comment tu peux y jouer sinon. Non, parce que putain, si en plus t'as besoin des moves. Bon, alors là, c'est encore pire que ce que je pensais. Les PS Move, j'en avais. Alors oui, je fais partie de ceux qu'on a acheté à l'époque. Donc je sais, ne riez pas. Donc, mais en tout cas, je les ai déjà. Donc voilà. Ouais. Mais alors attends, par contre, on va rigoler parce que du coup. Je trouve qu'il y a eu des bons trucs, c'est qu'en fait, au-delà des jeux gadgets ou des expériences un peu faites foraines, ils ont quand même mis des noms. C'est vrai que moi, j'avoue, le conduire un piloté, serait le terme plus adéquat, un X-Wing, ouais, en VR, ça fait super envie, ça faut qu'on ne pas se cacher. Oui, c'est sûr. Il y a Rocksteady quand même qui va proposer un Batman. Alors, est-ce que ce sera une expérience de 2 heures ou un vrai jeu, tu vois, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Mais il y a quand même des vrais... Ils essayent de mettre le paquet en fait, donc ça c'est ouais, quand même pas non, mal. Non, c'est sûr, ils mettent toute leur même FF15 à son petit mode. Alors justement, film de boule avec la meuf là. Pour mater les boules. Le segment FF15, par contre, là, il était, c'était à hurler de rire. Bah, comme d'hab, hein, tout ce qui sort des FF15, voilà, ça fait pitié. Ça fait. Mais globalement, voilà. Et je trouve que c'est intéressant. Et du coup, il y a eu quand on même. On va faire une transition du Master, coup. Master Kojima qui s'est pointé sur scène. Alors ouais. On va faire juste 2 secondes, faut qu'on fasse une pause, il faut que je fasse pipi, j'en peux plus. Vas-y. J'arrive. Y'a pas de souci. C'est bon. Ok, bah la pause pipi, je vais la garder. Ça fait rigolo. Je vais la garder, la pause pipi, ça fait rigolo. Non, avant de parler de Kojima, juste, j'avais oublié, ils ont parlé de remake HD des 3 premiers Crash Bandicoot, donc bon, on s'en bat les steaks, on est bien d'accord. Moi, je suis un des rares qui souhaite pas le retour de Crash, donc et pourtant, Dieu sait que j'adore Naughty Dog, mais c'est vrai que Crash, bon, voilà, c'est pas bon. Non, mais là, c'est Activision, donc ça m'intéresse pas. Alors, moi, j'annonce tout de suite d'emblée, moi je suis très fan du travail de Monsieur Kojima. Donc, ouais, moi aussi j'aime bien. Quand il s'est pointé sur la scène en disant « I'm back » avec le public en délire, à 3h30 du matin, parce que la conf était courte, hein, elle était tellement rythmée qu'elle a duré à peu près une heure et quart, tu vois ça, bon, franchement c'était du petit lait, quoi. Moi j'ai bien kiffé, et puis surtout on a vu un teaser de son... de son futur jeu, donc qui développe pour Sony, et donc là j'ai un gros trou de mémoire sur le nom. Death Tramping ou je sais pas quoi. Charlotte Trampling. Death Trampette. Ah merde, j'ai plus le nom. Bah écoutez, vous irez voir. On est fatigué. Death Standing, voilà, je crois. Stranding. Oh putain, c'est un mot que je connaissais pas en anglais. Death Stranding. Alors, voilà, c'est un peu dur à dire. C'est comme t'attouffe, m'étouffe. C'est pas évident à dire. C'est ça, ou je chie du chien. Je chie du chien, c'est pas mal. Donc, je te coupe la parole tout de suite parce que moi, c'est ma. Enfin, voilà. C'est ma grosse claque du salon. C'est ouf. Hein. Putain. Je l'ai regardé 40 fois, quoi. Je m'en remettrai jamais de ce trailer. Alors, anecdote avant que tu continues. Après, je te laisse parler dessus. Parce que, comme t'as kiffé autant que moi, ça sert à rien qu'on dise chacun. Moi, j'ai kiffé, toi, t'as kiffé. Bon, tu parleras pour nous deux. Mais, donc, je suivais sur GameCult. Et c'est vrai qu'ils ont eu des. Il y a eu un problème technique. Alors, je sais pas si ça venait d'eux ou de chez moi. Donc, je regarde, je vois Kojima. En plus, après Recette, tu vois, j'avais encore Recette dans la tête et tout. J'étais sur mon nuage. Je vois Kojima arriver. Je fais putain, génial et tout. Il balance la vidéo. Donc le début avec l'acteur de Walking Dead, donc j'oublie à chaque fois le nom. Ah merde, qui devait être dans Pity. J'ai un trou de mémoire alors que. Ah putain, Norman Reedus. Voilà, Norman Reedus. J'allais dire John Reedus, moi. Et donc, qui devait être dans Tous les Américains ne s'appellent pas John. Hein. Ah merde. Tous leurs chiens s'appellent Spot. Et... tous leurs chiens s'appellent Spot, c'est vrai. Et tous les gamins s'appellent Timmy. Oui, mais, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, je vois arriver, je vois le trailer qui débute. Qui... Déjà, je trouve que le trailer, il est traumatisant dès les premières secondes. Ouais, il te happe tout de suite. Donc, je vois avec, avec le moteur du jeu, attention. Oui, non, mais c'est ouf. Je vois que le nourrisson. Donc, il pleure et tout. Donc, déjà, t'es scotché. Tu fais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, puis la BO en plus, enfin la musique qu'il a utilisée. Et donc, il comment on était où il regarde que le nourrisson n'est plus dans ses bras, il se lève. Avec le pétrole partout là. Freeze sur mon écran. Ah, ah je fais non, je fais non. J'actualise, ça marche pas. J'ouvre un nouvel onglet, ça rame, machin. Le temps que je m'y remette. J'arrive sur la fin du trailer. Oh, merde, donc t'imagines un peu, j'ai attendu toute la fin de la conf Sony, et tout de suite après, avant d'aller, j'ai dit je vais pas me coucher tant que j'ai pas vu la vidéo. Heureusement, et sur site PlayStation, elle était pas en ligne. Donc ouais. Heureusement, j'ai dit tiens, je connais un site, c'est sûr. Enfin que je connais, que tout le monde c'est connaît. C'est bon, c'est sûr. Kotaku, que beaucoup de monde décrit, mais au moins tout à la seconde est posté, et j'ai revu tout de suite la vidéo bien en HD, en plus en meilleure qualité parce que. Là, je l'ai pas vu en streaming. J'ai vu un HD plein écran. Je me l'ai surmaté de A à Z avant d'aller me coucher. Bah, donc, je te laisse parler. Ah, bah, moi, c'est ma grosse claque. Hein, de toute façon, puis c'est des sujets qui sont intéressants. Donc, je vois bien que ça va parler de technologie, de nature, de la place de l'homme, etc. C'est Kojima, c'est son délire. Il aime bien parler de ça. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, je sais que de toute façon, le propos va m'intéresser. L'acteur, je l'adore. Techniquement, c'est une claque dans la gueule. Artistiquement, je me suis pris une claque dans la gueule. La musique choisie est parfaite. Le trailer est parfait. C'est Kojima. J'ai complètement confiance. Bah, il sait faire, quoi. Il n'y a pas à dire. Voilà, fait. Donc maintenant, c'est le jeu que j'attends le plus. Un des jeux que j'attends le plus de très loin. Et vraiment, ce trailer, ça m'a. Il m'a bouleversé, quoi. Et puis, en fait, c'est là où tu vois qu'il est quand même au-dessus un peu des autres qui survolent, quand même. C'est que ce trailer. Tu le sors, tu le montres à n'importe qui, même à quelqu'un qui n'est pas du tout jeu vidéo, qui est peut-être plus cinéma, tu vois, ou tu lui montres, et ben, objectivement, il va. Enfin. Ouais, il va prendre sa claquette dans la tête. Tu montres ça à un fan de SF, qu'on a rien à branler des jeux vidéo, il prend sa claque aussi, quoi. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais c'est clair. C'est clair. Enfin, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, mais. Parce que, bah, de toute façon, il n'a rien montré à part ce trailer. Je suis très content qu'il continue de travailler avec Norman Reedus, parce que j'adore cet acteur. C'est pas tous les jours qu'on voit des annonces comme ça. Ah non, mais c'est clair. Et surtout qu'il était très attendu parce que avec tout le drama avec Konami. C'est clair. Là, en plus, ce qui est drôle, c'est que il a dû voir R7. Tu vois, il a dû dire putain les enfants. Ah ouais, les coquins. Ouais. Oh les coquins. Ouais. Quelle bande de gredins, ce Capcom. et du coup, tu vois cette vidéo. Moi, elle m'a déjà c'est. Impacter autant les gens avec. Ce serait pas Kojima, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est pas du fanboyisme. Non, parce que ça aurait été autant impactant. J'aurais fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Je trouve qu'on critique toujours, ah putain, il n'y a pas de gameplay. Donc foutre une claque comme ça avec une séquence qui ne montre pas de gameplay, c'est vrai qu'ils ne sont pas beaucoup à savoir le faire. Donc. Et puis je pense qu'effectivement, comme tu disais, il y a des thématiques très intéressantes qui vont être abordées. Il a signé chez Sony. Je pense que là, on parlait de diva justement. C'est vrai qu'on l'a injustement, je pense, taxé de diva chez Konami Kojima parce qu'il sort ses jeux. Et là, pour enfin mettre relancé dans MGS5, tu comprends pourquoi il a mis autant de temps. Enfin, je veux dire, le jeu, il est gargantuesque à tous les niveaux. Non, mais regarde, quand The Last Guardian a été annoncé, Kojima, il a sorti 2 Metal Gear. Hein. Oui, non, mais voilà. Donc, il a sorti un sur PSP et le 5, quoi. Hein. Et The Last Guardian n'est pas sorti encore. Donc, il faut arrêter. Il n'y a pas d'excuse. Hein, c'est tout. Et alors, après ce coup d'éclat de ouf, alors j'oublie peut-être 2-3 autres trucs. Ah oui, parce qu'il y avait le jeu aussi des mecs, là, il y a un jeu à la Walking Dead aussi, là, qui voilà, a été présenté. Voilà, c'est ça, avec les bikers. Bah, ça s'est terminé avec ça. Qui a l'air fait. Sympathique, d'ailleurs, vraiment. Ça a l'air bien, hordes, c'est bien fait. Les hordes étaient super impressionnantes, je trouve, dans leur comportement. Oui, c'est clair, ouais. Mais bon, moi, ça me. Voilà, ça m'emballe pas plus que ça. Bah, je le garde bien d'un coin de l'œil. Voilà, franchement, il m'intrigue. À surveiller, voilà. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça s'est enchaîné. Comme d'hab, il n'y a pas eu de blabla. Kojima, I'm back, il a montré sa vidéo, il est parti, c'était très bien. Il n'y a pas eu de dialogue bullshit, ça. Et, normalement, il y avait Red Dead 2, je crois. Mais voilà, donc c'est là où je voulais venir à ça. C'est qu'en fait, normalement, sachant que déjà, Sony pouvait s'arrêter là. Voilà. Ouais, normalement, il terminait avec Red Dead 2. Quoi. Voilà, t'imagines ? Et donc, en fait, ça a terminé avec ce jeu de... Je vais vous retrouver le nom tout de suite, parce que pareil, je me souviens plus. Le jeu de Zomblard, là... Je sais plus. Days Gone, voilà. Days oui, Gone, voilà. Ils sont revenus, et c'est vrai qu'on s'est dit, c'est vrai que la conf de Sony, elle aurait pu s'arrêter sur le truc de Kojima. De toute façon, potentiellement... Alors, je suis sûr que ces vidéos de Days Gone, elles ne devaient même pas être diffusées à la base. Enfin, en tout cas, pas le segment d'après, à la fin de la... Ils ont dû la faire au dernier moment. Voilà, moi, je pense que c'est... Et du coup, tu te dis, voilà, c'est pas méchant, mais arrive à... dès la moitié de la conf, ils avaient déjà battu à plat de couture Microsoft en termes de rythme, ouais, en termes d'annonce de jeux, et surtout des exclus, pas des jeux Windows 10 compatibles. Ouais, et du coup, tu te dis, Kojima, il peut s'en aller, la conf, elle peut se terminer comme ça, quoi. Bon. Bah, non. Et là, ils reviennent sur Days Gone, hein. Tu fais, bon, bah, c'est sympa, tu vois, ils veulent pousser le jeu. Ouais. Et en fait, alors. Il y a des bruits de couloir qui font état, assez sérieux d'ailleurs, hein, qui font ça état. Ça n'a pas l'air d'être des bruits de couloir. Hein. Voilà, c'est, apparemment c'est plus que ça. La conf aurait dû se terminer, t'imagines, voilà, la fin de conf, quoi, sur Red Dead 2, en fait, qui est tellement, tellement, tellement attendu. Sachant qu'on le répète, hein, ils n'ont pas remis du FF, ils n'ont pas remis du Shenmue, donc vraiment ouais, tranquille, ouais. Hein, dans des chaussons. Et donc ils auraient pu terminer de manière vraiment absolument grandiose avec Red Dead 2. Mais. Visiblement, entre Rockstar et Sony, il y a eu des discussions. Et c'est vrai qu'il y a eu la tragédie d'Orlando entre-temps. Et je pense que le trailer devait être très, très, très violent. Voilà. Alors apparemment, il y avait une scène de tuerie dans un saloon. Qui était extrêmement violente. Ouais. Et pareil, je trouve que c'est bien. Parce qu'il faut savoir dire les choses quand elles sont bien aussi. Et là, je trouve que c'est... Franchement, c'est parce que Orlando... C'est grand seigneur, entre guillemets, tu vois. Sur la tragédie d'Orlando, il y a eu un petit discours aussi dans pas mal de confs, dont celle de Sony. Donc ça, et c'était Nintendo très bien. Aussi, ouais. Voilà. Bah, Nintendo, ils ont fait une minute de silence. Et je trouve que ne pas avoir mis cette séquence, bah, finalement, c'est bien, parce que Red Dead 2, quand même, c'est pas rien. Depuis tant d'années, il est vraiment attendu avec ferveur. C'est clair. Hein. Et voilà, donc je pense qu'il va être présenté... apparemment, dans ces jours-ci, on devrait avoir des nouvelles, en fait. Oui, il va attendre que ça se tasse, bah, c'est normal. Voilà. Et, ils vont peut-être faire, c'est comme à l'époque, le premier trailer de GTA V, ils vont peut-être faire un truc en direct sur leur site. Oui, certainement, oui. Donc, du coup, ça aurait dû se terminer là. Après, bon, il y a eu un stream Square Enix à 5h du matin, donc heure française, hein, le 14. Donc moi, je n'ai vraiment pas eu le temps de voir. Et là, j'ai pas eu le temps de voir ce qui a été présenté. Je sais, moi, de toute façon, je pense que pour Final Fantasy XV, on a dit ce qu'il fallait dire. Il me semble qu'il y avait une vidéo de World of Final Fantasy. Qui m'intrigue un petit peu quand même. Donc, voilà, 10 balles, pourquoi pas. Et alors, il y a le nouveau Nier que je surveille. Voilà, bien. De Platinum. Est-ce que tu en as vu, toi, un petit peu plus ? Si, j'ai vu un petit trailer. Ça a l'air très bien. Ça se passe dans des zones un peu désertiques. Les combats, ça ressemble un peu à comment il s'appelle le Metal Gear Rising, voilà. Ouais, Revengeance. Ça ressemble un peu à voilà. Il y a Platinum hein, qui est dans la qui s'occupe de. De toute façon, c'est le logo Platinum. Hein, voilà. Du trailer, donc ça fait un peu Metal Gear Rising, c'est un peu le même délire. Tu sais, tu peux glisser par terre et tout. C'est ultra dynamique, mais ça reste un RPG, donc c'est pas mal quand même un jeu avec des notions d'RPG et des combats aussi dynamiques. Techniquement, ça la ramasse comme tous les jeux Platinum, mais au moins, c'est super dynamique, tu vois. Enfin, ça dépend lesquels, hein. Parce que Bayonetta 2 sur Wii U, il tourne au poil, hein. Oui, mais t'as Nintendo derrière. Donc, attention, t'as Nintendo derrière et t'as des devs de Nintendo aussi. Donc, c'est pas faux. Quand Platinum, quand ils sont seuls, c'est des très bons codeurs, mais la partie artistique, la vache. Et donc, autre chose à retenir sur Non, je crois Sun pas. Dragon Quest 7, que t'attendais... Oui, mais c'était pas dans la conférence. Pas pendant le stream, ça ? D'accord. L'annonce, non, c'était pas... Parce que moi, je l'ai pas suivi, le stream. Et en fait, l'annonce du DQ7 en version européenne, enfin la date, parce qu'on savait qu'il allait sortir, mais la date, moi, je l'ai vue ce matin, donc... Ah, d'accord, donc c'était pas... D'accord. Ouais, ça a dû être annoncé cette nuit, tu vois. Donc, alors, comme on était un peu long, j'espère que nos auditeurs adorés ne nous en voudront pas. Excusez-moi, piche tous en plus. Bon, alors Nintendo. Alors, juste rapidos pour dire DQ7 quand même. Ah, excuse-moi, je croyais que tu avais fini. En fait, moi, ça fait des. Enfin, c'est le jeu que j'attends le plus depuis des années, quoi. Oui, je sais, vraiment... parce que Dieu sait que tu m'en parles souvent. Voilà, DQ7, je touche tout le monde avec ça. Tu spammes mon G-Talk avec DQ7 depuis pas quand mal j'ai vu, quand j'ai vu à l'époque qu'il y avait un remake sur 3DS, j'ai fait putain, oh, ça veut dire qu'on a peut-être une chance que ça sorte en Occident. Il sort, un an passe, pas d'annonce, deux ans passe, pas d'annonce. Je fais putain, mais il va jamais sortir. Puis là, t'as quand même Ori au Japan Expo qui dit que voilà, bon bah ça va sortir en France quoi. Donc là, je fais un bond. Et puis depuis, encore plus de nouvelles. Et puis là, enfin, c'est officiel, il écrit Square, tu vois. Je veux dire, il écrit Nintendo, c'est un vrai trailer, tu vois, avec le jeu, avec pas des caractères japonais dedans, tu vois. Je veux dire, ça existe, il est là, c'est bon, c'est vrai. Le mois de mon anniversaire en plus, enfin, voilà, je sais que bah, à partir du mois de septembre, j'ai joué qu'un seul jeu, quoi. Jusqu'à ce que je le termine, ce sera celui-là. Je suis vraiment trop content. Faut le rappeler, t'es sorti à la base, on l'avait acheté, je m'en rappelle, en import à l'époque, sur PlayStation. J'ai pas pu finir pour des raisons extrêmement simples, je l'avais en version US. Je sais pas si tu te souviens, ça, on habitait à Juvisy, là. Ouais, je me souviens, ouais, on l'avait acheté. C'était un jour de repos, je bossais à Micromania, je me souviens. Je m'étais levé très tôt le matin pour y jouer. J'ai dû jouer 18 heures, un truc comme ça, d'affilée. C'est un de mes records, hein, de nombre d'heures de jeu, sans m'arrêter. J'ai dû jouer 18 heures sans m'arrêter, j'ai été loin, j'avais les trois persos. Surtout que le début, c'est surtout toi le spécialiste de Drac, mais je crois que c'est le début le plus long, entre guillemets, de tous les Drac. À 3-4 heures de jeu, ouais, t'as même pas de combat, quoi. Voilà, voilà. C'est que des énigmes. Je joue pendant 18 heures, je sauvegarde, je fais putain, trop bien, etc. Le lendemain, c'était mon jour de repos, je refais la même chose. Je joue sur mon compteur de jeu, je te jure, c'est pas des conneries. Hein. En nombre d'heures, je crois que j'avais atteint 32-33 heures, tu vois. Donc c'est beaucoup, tu vois. Sachant que pour Dragon Quest 7, c'est un quart du jeu. Hein. Tu vois, genre Final Fantasy 7, c'est tout le jeu. Ah oui, dans oui, DQ7, oui. C'est un quart, quoi. Et encore, je suis gentil. Parce que t'es souvent coincé. Oh, bah, les Drac, ça, je crois que minimum à chaque fois pour en voir le tour, c'est quoi? C'est 80, 100 heures selon les épisodes? Non, ouais, ça, c'est vraiment très variable selon les épisodes. Celui-là, c'est le plus long et c'est peut-être le RPG Jap le plus long. Ah ouais, à ce point-là, d'accord. À ma connaissance, parce que juste le scénar, c'est une centaine d'heures. D'accord. Donc, sans compter les à côté, sachant que dans les Dracoué, les à côté, tu peux doubler déjà tout ça. Je joue 34 heures. Alors, comment il s'appelle? Boko, je crois, je sais plus, ou Bobo. Ou Bobo, bref, je me souviens plus. Bobo. C'est un garçon, un petit garçon qui se transforme en. Enfin, c'est un loup qui est transformé en petit garçon, ou l'inverse, je me souviens plus, ça fait trop longtemps. Coupure de courant. J'avais pas sauvegardé, parce qu'en fait, dans les Dragon Quest, c'est compliqué de sauvegarder. Tu sais, voilà, tu crèves, tu réapparais au dernier point de sauvegarde. Bon, on divise par deux ton pognon, mais de toute façon, ton pognon, tu le stockes toujours dans les banques. Et la coupure de courant au bout de 16 heures de jeu, je crois, d'affilée, hein. Bah, malheureusement, j'ai jamais repris parce que, tu vois. Tu repenses au niveau que t'as fait, à l'XP que t'as fait, au boss que t'as recommencé 15 fois. Parce que c'est un jeu où il faut trouver des tablettes pour reconstituer des continents. À tous tes morceaux de tablettes que t'avais retrouvés, à tes changements de classe, à tous les points d'XP que t'as répartis dans tes persos, etc. Tu te dis, je vais... C'est impossible. Ouais. Je peux pas refaire tout ça, c'est pas possible. De toute façon, j'ai pas le temps. Donc j'ai arrêté d'y jouer. Je m'étais dit, bon bah je le referai un jour. Bon bah ce fameux un jour, ça sera ce remake 3DS. Et en fait, faut savoir que c'est le seul Dragon Quest que j'ai pas fait, quoi. Bon, avec le 11, évidemment, avec le 10, évidemment, mais... Oui, bah là, pour des raisons techniques. Hein, logistiques, quoi. mais c'est le seul que j'ai pas fait, quoi. Que j'ai pas fini, et c'est un des épisodes qui, vraiment, m'intéresse le plus, donc... ça... Bref, je suis très content. Donc, on va passer à Nintendo rapidement. Donc, Nintendo, c'est pareil, hein, ça... Il y a finalement pas grand-chose à dire. Ils avaient annoncé la couleur, c'était Zelda. Ouais, mais alors, j'ai quand même eu ma petite surprise, c'est le... Ouais, Ever Oasis, t'as vu ou pas? Mais ça, c'était après, ça. Oui, c'était après, voilà, mais voilà. Ça reste une annonce de nouvelle IP. Oui, ça reste une nouvelle IP. En fait... Très mignon. Ce que je voudrais dire, c'est qu'avant qu'on parle de Zelda, parce que... Bah, parce que c'est le gros... Voilà, et je pense que là, je sais pas, ça va peut-être faire une heure et demie qu'on enregistre. Ouais. J'espère que tout va pas exploser, parce que là, on essaie une nouvelle technique d'enregistrement, voilà, pour tout dire, pour dire un peu les off. Et du coup, Nintendo, j'attendais grave. Et donc, en fait, avant qu'on débatte sur Zelda, et là, je vous jure, on en a même pas parlé avant, avec Julien de Zelda. Non, on en a toujours pas parlé. On a vraiment gardé ça exprès pour l'émission. Mais certains jeux qu'on a... qu'on a abordé dans cette émission, on n'en avait pas parlé non plus avant. Mais c'est vrai que le Zelda, en général, on en parle tout de suite. On n'en a pas parlé. Du coup, déjà, moi, j'ai eu envie de me pendre. je crois que mon moment de rage absolue, c'était pendant donc ce Treehouse Nintendo. Ouais. Puisque pour la petite histoire, là c'était Nintendo et là moi j'ai mon fils donc qui a 6 ans qui voilà il voulait suivre des conférences avec moi. Là, je savais que Nintendo, bon, il y a pas d'avoir de contenu 18+, donc bah, ça n'avait pas posé de soucis. Donc en fait, j'ai lancé le stream sur la PS4, on s'est foutu dans le salon, ouais. Et on a regardé. Et on a eu donc un tout petit peu de Zelda au début. Vraiment très vite. Hein, voilà, hein, très c'est vite. Un petit trailer. Quoi. D'ailleurs. Ce qui était marrant, parce que d'ailleurs, mon fils a dit pourquoi il prend pas une tondeuse pour couper l'herbe. Donc ça, c'est assez rigolo. Pourquoi il s'embête à couper tout avec un sabre, ouais. Enfin, avec une épée. Donc ça, c'était marrant. Et après, on a eu un tunnel de Pokémon, j'allais me pendre. Alors, moi, j'ai coupé à ce moment-là. En fait, ça a duré, je crois, quasiment une heure. En fait, quand j'ai vu que ça faisait 40 minutes et que c'était encore sur Pokémon, en fait, voilà, après, c'est de la logique. Tu te dis, en fait, ils ont que ça, donc j'arrête. En fait, il y a eu un tunnel d'une heure de Pokémon où la plupart du temps, plus, c'était statique, vu qu'ils expliquaient le gameplay, tout ça. Ouais, le mec, il tourne, il est dans un menu, il bouge pas. Il est dans un combat, il bouge pas. Écoute, c'était vraiment le frisson de la honte. On était là en famille, sur le canapé. Et j'ai dit putain, mais on fait quoi là? Mais ils vont reparler de Zelda, donc on attend et tout. Du coup, à table, on a laissé le stream Zelda tourner. Donc on va venir sur Zelda. Moi, je suis mi-figue, mi-raisin, en fait, sur ce que j'ai vu. Alors, je vais résumer brièvement, et c'est vrai que dans tous les deux, on est des gros Nintendo fans. Ouais. Moi, je suis plus Team. Je sais que t'adores Mario, hein, c'est pas ce que j'ai, mais moi, je suis plus Team Mario, toi, t'es plus Team Zelda. Mais moi, j'adore aussi Zelda. Moi, je suis aussi Team Mario tant que c'est des Mario canoniques, quoi. Et reste. Moi, donc, je suis plus hardcore Mario parce que, voilà, bref, on va pas faire le débat. Moi, c'est pareil, Zelda, si c'est pas des canoniques, ça ne m'intéresse pas. Hein. C'est et pareil. Du coup, écoute, franchement, j'ai. Alors, il y a le truc, c'est vrai qu'on va tout de suite évacuer le côté technique. C'est que, par rapport à ce qui a été montré l'année dernière, c'est même plus le même jeu visuellement, c'est 1000 fois moins beau. Alors après, oui c'est moins beau. Hein. Alors après, c'est vrai que c'est pas la technique qui compte. C'est pas... Mais moi sur un jeu Nintendo, ça m'a choqué parce qu'en fait Nintendo en général, ce qu'il te montre, en général tu te retrouves avec ça manette en main. Je parle pas des démos E3, des démos techniques des machines, c'est pas pareil. Hein, attention, je parle pas de ça. Après voilà, je parle vraiment des épisodes vraiment qui vont sortir. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu la petite démo technique d'un Zelda. Quand ils sortaient une nouvelle console, mais on savait que le jeu allait pas ressembler à ça. Là, quand même, Aonuma, l'année dernière, il nous a présenté un truc. Et là, c'est vrai qu'à côté, c'est hyper fadasse. Mais soit, voilà, ça s'est évacué. Maintenant, au niveau vraiment du gameplay, parce que j'ai regardé une heure de stream. Hein, donc ouais, j'ai vraiment le temps de regarder aussi. Ouais. Voilà, toi aussi. Franchement, la promesse est attirante. Le fait qu'un Zelda soit ouvert comme ça, même si je commence à en avoir marre des mondes ouverts dans les jeux vidéo, mais ça, c'est encore autre chose. Je trouvais ça très intéressant parce que moi les derniers Zelda 3D ils m'ont saoulé d'une force. Le dernier Zelda moi qui m'a vraiment enchanté c'est le Between Worlds, voilà, sur donc Link to the Past 2 en clair. Mais du coup j'ai vu le craft, j'ai vu les jauges de stamina, Du Sky, qui était dans Skyward Sword déjà. Voilà, j'ai vu ça. Ça m'a pas plu. Le craft, bon, les zones sont assez vides, mais bon, le jeu est pas tout à fait terminé, donc bon, à la limite. Et je sais pas. Je suis en fait dans la situation où j'ai envie, bien sûr. Hein, ce sera Day One quand il sortira, mais j'ai envie d'y jouer. Et en même temps, il y a plein de trucs où je me dis, je sais pas. Je suis pas convaincu. Alors, je sais pas toi ce que t'en penses. Ah moi, je suis. Conquis, moi. Toi, t'es conquis, d'accord. Totalement conquis, même s'il y a des petits trucs qui me dérangent, mais de toute façon, aucun jeu ne peut être parfait. Je vais revenir rapidement sur la technique, parce que c'est ce qui ressort le plus, et c'est vraiment dommage, ce qui prouve que les gens sont quand même très limités, en général. Non, moi, j'ai dit que ça m'empêchait pas, c'est plutôt dans la tradition Nintendo. Non, bien sûr, ouais, mais apparemment, ça empêche beaucoup de monde, donc... Là, faut pas non plus que ça empêche. Moi, je m'en fous, le jeu, je pense que je vais l'apprécier, donc tant pis pour eux. Le problème, c'est que... Faut pas oublier qu'on est sur Wii U et que pour avoir bossé sur Wii U, c'est une console de merde, techniquement. Donc malheureusement, tu peux pas. Ouais, mais il y a eu un bullshit l'année dernière. Et ça, c'est pas coutumier de Nintendo. C'est parce que le trailer a été fait avec une petite map en 3D petite. Junior, c'était bricolé. Mais avoue que chez Nintendo, c'est pas coutumier ça. Non, évidemment que c'est pas coutumier. C'est pour ça que c'est un petit peu choquant. Moi, personnellement, tu sais bien que je suis comme ça aussi. Je suis le premier à dire, oui, le jeu est moins beau, parce que entre l'E3, ou quels que soient les events et le jeu à la sortie, très souvent, 9 fois sur 10, c'est un peu moins beau techniquement. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est l'expérience qui compte. Là, chez Nintendo, on n'était pas habitué à ça. Ouais, après, voilà. Moi, je trouve pas qu'il y ait une si grande différence que ça. Ah, vraiment, si. Bon, bah, bref, soit. Au niveau du gameplay, donc toi. Ouais, non, soit. Enfin, bon, voilà. En dehors de ça, malheureusement, sur Wii U, tu peux pas faire grand chose. C'est une machine qui est extrêmement limitée. Elle est même plus limitée qu'une PS3, faut le savoir. Mais il paraît que Xenoblade X, il paraît que visuellement, il en voit pas mal. Hein. Moi, je l'ai pas vu tourner oui, chez mais moi. Et c'est... les maps sont énormes. Hein. Les maps sont énormes, mais. C'est quand même différent parce que c'est des segments de map en fait. Alors que là, a priori, c'est pas le cas. Enfin, il y a. Après, t'as vu que quand t'as des montagnes, tu peux même les traverser et passer derrière. En fait, la map, ça ne s'arrête jamais, a priori. Enfin, ça, faudra voir après. Voilà. A priori, le compromis technique qui a été fait dans ce nouveau Zelda, c'est que la map ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que t'as jamais de transition. En tout cas, bon, à la limite, on pourrait dire que c'est un bon choix. Donc, oui, c'est un très bon choix. Après, il y a monde ouvert et monde ouvert. Faut pas oublier que Zelda 1, c'est un monde ouvert aussi. Zelda 3, c'est un monde ouvert. Ça reste Nintendo, donc malgré. Oui, pour leur époque. C'est des mondes ouverts. Mais pour leur époque. Maintenant, tu sais, monde ouvert, monde ouvert, que ça retranscrit en 3D, forcément, ça prend un peu tout de sens aujourd'hui, monde ouvert. Mais regarde, tu rejoues à Zelda 1, quand tu vas un écran à droite et 4 en haut et un à gauche pour aller au premier donjon, parce que je connais la map par cœur, je suis désolé, c'est une salle où il n'y a rien, une salle où il n'y a rien, une salle où il n'y a rien, une salle où il n'y a rien, une salle où il y a un donjon. Non, mais ça, je suis d'accord, mais monde ouvert aujourd'hui, c'est une autre signification. Bien sûr, ça a évolué. Voilà, non mais voilà, moi ce qui me. Enfin, juste ce que je veux dire, c'est que ça me fait rire les gens qui disent c'est vide, il se passe rien, et puis c'est ces gens-là qui veulent dire de toute façon le meilleur Zelda c'est le premier. Juste ferme ta gueule, c'est la même chose, donc tais-toi quoi. Tu vois. Donc ça m'énerve, c'est de la mauvaise foi, entre guillemets. Maintenant, moi personnellement, c'est l'idée que je me faisais d'Hyrule quoi. C'est-à-dire des grandes plaines verdoyantes. Tu veux que je te dise, ils auraient montré un truc à la Twilight Princess, tu vois, avec des segments de map petits et quelques trucs dedans, tu vois, genre une maison au milieu d'une plaine, et puis ensuite un chargement noir, et puis paf, ensuite t'as une fausse forêt, entre guillemets, et puis ensuite un chargement avec un écran noir, et ensuite t'as un désert, un chargement avec un écran noir, un château, tu vois. Je veux dire, c'est les maps des Zelda 3D, entre guillemets. Ils auraient dit, putain, c'est pareil, c'est pas un monde ouvert, ça fait chier, voilà. Là, ils font un monde ouvert, peut-être le plus grand... Si j'ai bien compris, jamais créé. C'est un truc immense. Tu peux grimper partout. Aucun jeu n'avait fait ça. Avant, tu peux vraiment grimper partout. Je veux dire, c'est les illustrations de Zelda, quoi. Mais là, d'ailleurs, il y a beaucoup de références à Zelda hein, dans ce ouais, que j'ai mis. Il fait froid. T'es obligé de mettre un manteau. T'as plein d'équipements. Les gens, j'en ai marre d'avoir toujours les trois épées, la tunique rouge bleu, nanana, et puis les bottes de métal. Faut que ça change. Tout change. Il y a plein d'équipements. T'as des valeurs maintenant, t'as carrément des stats sur les équipements, t'as des indices de protection par rapport à la température, tu peux changer les jambes, tu peux changer la tête, tu peux changer les fringues, tu vas où tu veux, il n'y a plus de dialogue. Le jeu, tu commences, t'as un vieux qui te dit, voilà, fais ce que tu veux. Tu peux aller... Alors ça, alléluia. T'as une centaine de sanctuaires, enfin je veux dire, merde. Parce que je n'en pouvais plus. Ils ont fait... Des Zelda blablateux, c'est insupportable. Ce qu'il a fait à Onuma, c'est ce que tout le monde réclame. Tout le monde réclame ça. Sauf les armes destructibles. Ça, je déteste ça dans les jeux. Ça, par contre, c'est ma moi grosse aussi. Déception. Mais ça peut être équilibré, attention. Bon, c'est aussi pour justifier le craft. Mais tout après, ce que. Après, faut tout voir monde... comment ça se. Oui, ça se goûte voilà. Après. Tout ce que tout le monde voulait dans Zelda, putain, il le fait. Et les gens, ils râlent quand même, quoi. Les gens sont. Ah pas non, mais moi, alors moi, je te dis, moi, je râle pas. C'est que moi, justement, tu sais que moi, bon, mon préféré, ça reste le 3. Moi, le souffle épique, le souffle de l'aventure, en fait. Le fait, moi. J'adore explorer des mondes, même s'il n'y a pas grand-chose à y faire. Tu vois, j'adore ce qu'on appelle les simulateurs de marche maintenant, tu vois. Ouais. Les jeux à la première personne où tu te balades. Moi, ça c'est pas un souci en fait. Moi, j'ai peur un peu sur le côté crafting. Les armes destructibles, ça c'est vraiment ce genre de choses. Alors attention, tu sais ce qu'ils vont faire. Ils font un peu peur en fait. Ouais, dans mon avis, toutes les armes ne seront pas destructibles. Tout ce qui va être destructible, c'est avec tu sais, des trucs un peu à la con, genre des armes en bois. Ou... Parce qu'il y a l'épée de légende, on l'a vu dans le trailer. Voilà, dans... des merdes comme ça. Bon, l'épée de légende ne peut pas être destructible. Des c'est pas possible. Pète, tu vois, t'imagines. Oh merde, non, mais dès lors, je pense que tu auras des vrais équipements, tu sais. Genre, je sais pas, tu sais, les boucliers canoniques, entre guillemets, au jeu, parce qu'il y en aura, faut pas rêver. Tu vois, c'est comme l'arc. Là, il s'est fait un arc traveler ce machin, je sais pas quoi. Mais t'inquiète, qu'il y aura aussi un arc ultime, tu vois, qui se détruira jamais, qui sera scénarisé, etc. Bon, ça, moi, je m'en fais pas trop. Je sais que l'équilibrage, il sera là. Oui, il y a une jauge de stamina, mais je pense que très rapidement, tu auras des items pour la booster tellement que de toute manière, ça fera comme si c'était infini, tu vois. Tous les écueils, enfin, c'est vraiment, il sent l'épisode du on vous a compris, tu vois, c'est l'épisode de Gaulle entre guillemets. Mais moi, est-ce qu'il y a après pas l'aspect aussi... technique, y a, bon, est-ce bah, qu'il n'y a écoute... pas ce sentiment quand même où c'est peut-être l'épisode on vous a compris. Moi, attention, hein, je suis très content sur cette direction parce que tu sais comment que j'ai vraiment détesté Skyward Sword. Ouais. Et les Zelda 3D commençaient de plus en plus vraiment à me donner de l'urticaire dans leur structure, dans la manière d'amener voilà, tout ça. Là, on retourne à quelque chose, on s'en fout du scénario, il n'y a pas 10 000 heures de tuto, de dialogue, et ça, mon Dieu, mais ouf, enfin. Et par puis contre... là, enfin, les boucles de gameplay sont floues, tu vois. Non, mais enfin... je veux dire, est-ce que tu trouves pas aussi qu'il y a un peu ce côté, moi, mais c'est juste mon ressenti, hein. Ouais. C'est qu'en fait. Le côté l'aventure avec un grand A, mais ça, génial, je suis heureux. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il n'y a pas, je trouve, un aspect, on prend tout ce qui marche à droite à gauche et on met ça dans une marmite. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de voir ça aussi. Ah, bah, pas du tout. Enfin, moi, d'accord, j'ai bah, toujours ressenti comme ça. Parce que justement, ils l'ont vraiment fait à leur sauce, quoi. Enfin, parce qu'apparemment, moi, je suis pas très Far Cry et jeu Ubisoft en général. Mais bah, apparemment, le système de points de repère sur la map, c'est vraiment ça en copier-coller. Le fait que tu débloques des zones visuellement sur la map, apparemment, c'est ça. Moi, le côté crafting, vois... j'ai eu l'impression de voir vraiment la plupart des jeux qui sont... Alors, c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est nul, hein, bien sûr. C'est bien, c'est bien de s'inspirer. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais après, ça, c'est faut juste voir comment, de la modernité. Hein. Faut voir c'est comment eux l'amènent à leur sauce aussi. J'espère qu'il y aura une vraie personnalité Nintendo d'intégrer certains éléments... Pour moi, leur personnalité, putain, c'est une version qui est quand même pas très avancée, je la vois déjà, quoi. Moi, pour te dire, le seul, moi, hic que j'ai, c'est l'interface, quoi. C'est vraiment que ça, quoi. Moi, qui m'a choqué, parce qu'elle est vraiment pas belle, mais ça a le temps de changer, et on sait très bien que... oui, j'ai remarqué aussi, ça fait un peu impersonnel par rapport à tout ce qui est... Voilà, c'est ça. Le petit bois sculpté qu'on a d'habitude de voir d'habitude, voilà, et tout ce genre mais de choses. Comme d'habitude, chez Nintendo, les derniers mois, tu sais, de dev, c'est dédié au polish, et t'inquiète que le jeu... Déjà, il sera plus beau à sa sortie, c'est sûr. Et puis, voilà, tout ce genre de détails... Même certaines animations, toutes ces conneries-là, ce sera grandement amélioré. Bon, voilà, sur cette présentation, je suis très content que de la tournure que ça prend. Il y a des choses qui sont expérimentées que j'ai jamais vues dans un Zelda, mais même franchement dans d'autres jeux, comme le système de le fait de tenir compte du vent pour la propagation du feu, la création des pièges, cette arme-là, cet item-là, cet aimant en fait. Qui te sert à faire des pièges, à débloquer des chemins que tu trouves dans un des sanctuaires. Apparemment, il y en a une centaine. Et là, on parle pas de donjons, on parle de petits sanctuaires qui sont parsemés ici et là et qui vont servir de petits de bah, petits challenges papier, et de lieux à visiter. Sur papier, tu ça vois. Fait très envie. Après, j'ai l'impression que c'est un jeu. Tu vois, toutes tes ambitions, elles sont dures à faire passer dans une présentation ou même un stream. Exactement, voilà. Et je pense que en fait, moi, j'ai toujours ces doutes, en fait. Moi, ce qui me fait peur, c'est que... après, c'est pas évident de trouver juste mieux, mais pour moi, Zelda, et c'est ce que je déplorais dans les derniers qu'on a eu sur console de salon, c'est... tu prends ton épée, blablabla, vas-y, tu pars à l'aventure. Donc, il semble que ce soit ça. Après, moi, ce que j'ai peur, c'est que tout ce côté où il faut tout gérer... c'est ça qui m'a fait un peu peur, c'est que j'ai l'impression que ça s'est un peu trop occidentalisé de ce côté-là. C'est qu'il faut gérer donc la température, faut gérer le bruit, parce qu'il y a une petite jauge aussi de bruit. Bon, ça sera pour des phases d'infiltration et ouais, pour je pense choses, pas que voilà. Ce soit vraiment obligatoire. Bah, je pense que s'ils l'ont mis ici, hein. Je pense que ah, pour ça, des oui, phases, à certains moments, mais voilà. Pas tout. Il y a pas mal de choses à gérer à côté, le crafting machin, et j'ai peur que moi je me dise putain, il y a une map ouverte Zelda, j'ai envie de prendre mon épée et d'aller battre la campagne pour trouver, bah tu vois, des objets et tout ça, et j'ai peur que tout ce côté crafting, j'ai peur que ça, en fait, ça coupe un peu les pattes. C'est que des suppositions, hein. Ouais, sur toute ouais. cette tendue que t'as envie d'arpenter tout de suite parce que c'est magnifique. Alors j'espère qu'il y aura une bonne gestion en fait, que le crafting et tout ça sera pas trop envahissant. Tu vois ce que je veux non, dire non parce dans que surtout qu'il du a jeu, l'air quoi. Très automatisé. Ouais, attention, hein, c'est pas Minecraft, hein, c'est pas parce que dans un RPG t'es un peu craft que tout de suite tu vas passer ton temps à faire du craft. Oui, mais attends, après on peut aussi se poser de l'autre côté, c'est que là le jeu on l'a pas en main non plus, donc voilà. On peut leur donner du bénéfice, mais on peut aussi avoir des craintes, c'est normal aussi. Oui, je sais, mais ça m'étonnerait, Nintendo qui sont très dans l'instantané, etc. En plus, c'est là, ça ce qui aussi, est bien, c'est que ça leur fait un focus test gratos, là, ce qui s'est passé oui. pendant le 3. Parce que des retours, là, ils vont en avoir, je pense. Là, voilà, donc, du coup, je m'en fais pas trop tout ça. Nintendo, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai, c'est l'école du gameplay. Bien et t'inquiète sûr, que s'il y a des phases qui sont emmerdantes, elles vont être zappées tout de suite. Eux, c'est pas du genre à garder des trucs quand ils vont dans la mauvaise direction. Aonuma, même si bon, c'est vrai que j'ai beaucoup pesté contre lui ces dernières années. Au vu de son parcours et de son CV, bon, voilà, c'est quand même un mec, je pense, dans sa direction, dans sa nouvelle direction. Je m'en fais pas trop, quoi. Mais c'est un peu le 3 aussi, des nouvelles directions, mais c'est ça que j'aime bien, c'est que même si Zelda, on savait que Aonuma, ça fait des années qu'il nous parle de monde ouvert, on savait où il voulait aller, mais quand même, tu vois Resident Evil 7, tu vois le nouveau Zelda, tu vois tout ça, je trouve que c'est quand même hyper rafraîchissant, quoi, ça fait du bien de voir ça. Ouais, non, mais de toute façon, voilà, on va conclure, mais... C'est moi je trouve que c'est un très bon E3. Ah oui, pas trop, y a pas beaucoup de surprises, mais c'est un très bon E3 quand même. Après, je pense que ça sert à plus grand chose. Heureusement qu'il y avait quand même la conf de Sony. Ouais, mais franchement, ils pourraient faire ça sur le net, quoi. Alors voilà, et ben c'est super parce que je t'en avais pas parlé non plus, et c'est à ça où je voulais aller. Il y avait deux points que je voulais, avant de passer à notre petite rubrique musicale et puis d'arrêter. pardon. C'est le fait que moi, en 2011, j'ai eu la chance via IG de découvrir le 3 sur place. C'était vraiment, c'est quelque chose vraiment que j'avais envie de faire depuis toujours, et ça a été un kiff vraiment énormissime, quoi, voilà. Mais je me rends compte quand même que quand t'es chez toi, devant ton écran, t'as une vision beaucoup plus large de ce qui se passe et tu rates beaucoup moins de choses, en fait. Oui. Et je me dis là, Sony, ce qu'ils ont fait, ça aurait pu très bien se passer. Que via vidéo, quoi. Enfin, je veux dire que t'avais, ouais, t'étais pas obligé de louer une salle. Vu enfin, je la sais pas. Thune que ça coûte de louer des sciateurs, d'organiser tout ce bardum et d'être sur place, un événement, et ça Nintendo l'a bien prouvé, hein, avec bon bah Feu Iwata, et c'est vrai que quand on voit tout ce qu'il a quand même amené, même si beaucoup se moquaient des Nintendo Direct, moi je trouvais que c'était une formule géniale quand c'était réussi. C'est vrai qu'ils faisaient l'événement alors qu'ils avaient ils n'avaient pas dépensé des fortunes pour faire une conf, etc. C'est vrai que le 3, est-ce que ce serait, il serait pas encore plus efficace finalement, qu'il soit totalement démat en fait, entre guillemets, quoi, tu vois, qu'il y ait quand même un organisateur, il pourrait l'être, quoi. Non, mais que chacun fasse son event. Il y a même pas besoin d'organisateur. Des chauffe-lourds pour les journalistes, pour tester les gens direct avec les développeurs, quelque chose de plus intime, tu vois. Mais que le reste, tout ce qui est convention, ces conneries-là, tout le monde se met d'accord, et puis bah voilà, c'est chacun son tour, comme ce qu'ils font actuellement. Parce que ça va changer. Moi, je sais que. Et plus maîtrisé, tu vois, que t'as pas de problème technique. Oui, mais tu vois, la tendance, effectivement, moi je pense qu'elle tend vers une. Vers un démantèlement, le mot est peut-être un peu fort, mais de l'E3 physique, puisque moi je me souviens, moi je parle de ça en 2011, c'était l'annonce de la Wii U, donc je m'en souviens très bien, et d'Uncharted 3. Le truc, c'est que t'avais de plus en plus dans le salon ce qu'ils appellent des behind closed doors, c'est-à-dire que tu allais dans une salle, tu voyais un mec jouer au jeu. Ouais. Donc on pouvait jouer au jeu quand même, à pas mal de jeux, mais et là apparemment c'est une tendance qui s'est accentuée, c'est en fait t'as beaucoup de mecs des studios, de l'équipe, qui te présentent le jeu. Manette en main, et toi tu regardes en fait. Et du coup, je me dis, les journalistes, est-ce qu'ils ont un intérêt aussi grand qu'à l'époque ? Bon, pour moi, c'est non, mais ils ont beaucoup moins d'intérêt maintenant à se déplacer. Ils le font toujours parce que ça reste sur place, il y a quand même encore un côté événementiel. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils loupent presque plus de trucs que nous. Ah non, mais ça, je te le confirme. Moi, quand je l'ai fait sur place en 2011, j'ai loupé les trois quarts parce que tu as des rendez-vous professionnels, tu fais que courir en fait. Tu ne fais que courir. Et donc, il y a des trucs que tu rates. Chez toi, t'as une vision, je dirais, panoramique ou 360 degrés, comme tu dis. Ouais, quasiment global du truc, quoi. Et t'as une appréhension vachement plus, je dirais, globale et de ce qu'il y a, quoi, de ce qui se passe à l'E3. Et regarde, Microsoft ferait son événement vidéo, Sony ferait son événement vidéo, Nintendo et les gros éditeurs Ubi, tout ça, qu'est-ce que ça changerait, finalement ? Pas grand-chose. Bon, t'as pas le côté chaud devant les journalistes, tu vois, mais... Oui, après, il y a les côtés grands médias, parce que ça fait venir aussi des médias parfois généralistes. Mais ça, voilà, t'as raison, ça met le focus. Mais est-ce que, entre les dépenses engendrées pour créer ces événements, parce que ça coûte une blinde, hein, je vois Ubisoft, un jour, j'ai vu les chiffres, je m'en souviens plus, mais je suis tombé de ma chaise, quoi, quand j'ai vu les chiffres, ce que ça coûte, et finalement... Ils se gavent. Et le retour sur investissement, je sais pas. Non, je pense pas que ce soit rentable. Sincèrement, je pense pas que ce soit rentable. Et il y a une deuxième réflexion. Je pense que ça a été rentable pour Sony pour l'annonce de la PS4. Ah non, mais ça, c'est même plus rentable. Ça a été... La guerre s'est jouée ici. Hein. Ça a été décisif. La victoire s'est jouée là pour Sony. Hein, je pense que pour annoncer des consoles, c'est toujours bien de, voilà, de faire un show, entre guillemets. Ouais, est-ce que t'as le public. Mais quand c'est juste pour annoncer des jeux... Ou alors... Oui, c'est... Non, mais c'est vrai, pour le côté conf, t'as raison, parce que j'ai été le premier à le crier, à l'écrire partout... La guerre de cette génération s'est jouée sur la conf Sony, quoi, lors de l'année des annonces des consoles. Donc, effectivement. Et il y a une deuxième réflexion, c'est quand même qu'on est, on est un changement d'époque. C'est qu'il y a la Scorpio, donc, qui a été annoncée. La PS4 Neo, on sait qu'elle est dans les cartons, même s'ils en ont pas parlé. Et du coup, elle existe, ouais. La génération de consoles actuelle va être en quelque sorte upgradée par des nouveaux modèles, et donc on s'achemine plus à un modèle qui fait penser aux tablettes et aux smartphones. Ouais. Et ça, mine de rien, c'est quand même un... Bah, ça m'enchante pas spécialement. C'est une petite révolution, mauvaise ou bonne, mais c'est... Bah, moi, je trouve que la barrière entre la console et le PC devient encore plus floue, quoi. Et je trouve que c'est une erreur, perso. Parce que quitte à renouveler ton matos, bon, bah, tu vois, si je dois mettre 300 balles... Bah, tu préfères que ce soit une PS5 qu'une PS4++, quoi. Non, mais à la limite, si je dois mettre 300 balles, je me rachète une carte graphique, quoi. Un peu de RAM, enfin, tu vois. Et je garde toujours ma bécane, j'ai toujours mes jeux qui marchent toujours, c'est toujours mon PC. Attention, là, je parle pas d'exclus, hein. Je me fais vraiment l'avocat du diable, parce que de toute façon, avec Sony, tu peux pas, vu que les exclus, bah voilà, il y a des exclus Sony. Oui, mais attends, tout à l'heure, tu vois, tu disais, je rebondis là-dessus, en fait. On disait, putain, c'est une arnaque, la Scorpio, il y aura pas d'exclus. Mais en même temps, c'est pour pas exclure les joueurs qui vont garder que la première One. Et tu vois, je sais pas, par exemple, le prochain Halo, il sera disponible sur Scorpio en plus beau et en moins beau sur One, mais il sera pas exclu que Scorpio. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, du coup, mais alors ça veut dire qu'il faut niveler les jeux vers le bas, quoi. Enfin, ah, bah, de toute façon, il y aura deux versions. Moi, je suis pas d'accord avec ça, ça donne que du mauvais. Je suis pas d'accord non plus, mais ça me fait un peu peur en fait. T'imagines Uncharted derrière, je prends un exemple, tu vois, genre Uncharted 4, il devait sortir sur deux machines à la fois. Ça veut dire que, tu vois, admettons, il aurait été sur PS4, mon cul, je sais pas quoi, le jeu aurait pu être 10 fois plus beau. Donc les mecs qui ont acheté la dernière, ils disent, bon, bah voilà, le jeu, il est beau, mais voilà, normalement, il aurait dû être mieux, parce que faut sculptiner une version... Moi, j'ai peur qu'on s'achemine vers ça, c'est ça. Ça, bah justement... Et surtout au niveau de la VR, en fait. Moi, ce qui me fait peur, c'est que... parce que la VR, après, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, c'est quand même, pour l'instant, un des piliers de la stratégie de Sony en ce moment. Et du coup, ça va être un peu genre, bah regarde, tu vois ton... Bah, je prends R7 en exemple, par exemple. Ta R7, bon, qui sera... Moi, ça me dérange pas du tout d'y jouer avec des graphismes PS3. Hein. Moi, ça ne me gêne pas du tout, parce que pour moi, c'est l'expérience qui prime. Mais ouais. Si à côté, quand même, sur PS4K, ou quel que soit Neo, quel que soit le nom qu'elle aura, tu vois, en fait, ton Resident Evil 7 10 fois plus beau, en VR... Bah, ça fout un peu les boules pour ceux qui ont investi sur la PS4 classique. Bah voilà, c'est ça, ouais. Et ça, moi, je trouve ça un peu dommage parce que, surtout côté PS4, en fait, qui vraiment, c'est la reine du monde encore en ce moment, je veux dire, elle écrase tout le monde. On voit au niveau de la conférence, Sony gagne la guerre de la com, et puis la guerre des esprits. Ouais, mais il n'y a pas de guerre. Et ce qu'il y a, c'est que je me suis même dit, mais on n'a pas besoin de nouveaux modèles de PS4, quoi. Enfin, on n'en a pas besoin, et on n'a pas besoin de casque aussi, VR. Enfin, la console se suffit à elle-même. Enfin, ça, c'est encore autre chose. Casque VR, là, c'est un accessoire sur la console actuelle, donc. Ouais, je sais. Après, mais t'es pas obligé de l'acheter, hein. Voilà, c'est toujours pareil. C'est, voilà, parce tu vois, je veux dire, l'Itoy, si ça a marché, c'est parce que c'était pas cher, quoi. Non, mais Resident Evil 7, c'est ça. Moi, je trouve que l'approche est quand même saine au niveau des jeux VR, c'est que Resident Evil 7. Non, oui, mais ça, je remets pas ça en cause. Il est pas exclu VR. C'est-à-dire, tu pourrais y jouer, sans VR, quoi. Voilà. Je remets pas ça en cause, mais on en reparlera. Il est en train de se passer ce qui s'est passé avec la 3DS. C'est que la 3DS, elle est sortie et s'est viandée, personne ne la voulait parce qu'elle était beaucoup trop chère pour ce que c'était. Ils l'ont baissé, ils l'ont réduit de moitié, et puis là, bizarrement, ah bah ça se vend. Ah bah merde alors, tiens, c'est une surprise. Bah, la 3DS, il y a eu la baisse de prix, puis il y a eu le Mario qui est arrivé, donc ça. La VR, ça arrive, je veux dire. Oui, mais du côté développeur, même du côté revendeur, je veux dire, j'ai bossé 6 ans à Micromania, je sais de quoi je parle. Tout est une question de pognon, même pour le consommateur, même quand c'est du hardcore. Je suis désolé. Quand tu. Lighteuil ou. Là, je prends vraiment des accessoires plus low cost, tu vois, mais je prends Lighteuil ou les micros de SingStar à l'époque, etc. Quand c'est sorti, si ça a cartonné, même auprès du grand public. Lighteuil, c'était l'ancêtre de Kinect, hein, quelque part. Oui, bien sûr, ouais. Si ça a marché, c'est parce que c'était pas cher. Et en plus, tu pouvais jouer avec tout le monde. Tu entre guillemets, t'étais pas tout seul, voilà, enfermé dans ton truc. Non, mais je pense que ce serait un truc de niche. comme 400 euros, tu les verras même pas dans les linéaires. Tu les verras à la sortie. Mais crois-moi que quand il y aura Micromania, t'auras un tout petit endroit avec un carton PSVR qui sera vide parce qu'ils auront trop peur de se faire chourer. Et puis ils vont en vendre, allez, s'ils en vendent un par jour, ce sera déjà très bien. Parce non, mais ça, de toute façon, je suis d'accord. Puis, bon, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais là, on se relance dans le débat de la VR. Mais ouais. Moi, ce que je trouve en tout cas, c'est que pour revenir sur la PS4. Ouais. C'est que là, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils en ont pas parlé de l'upgrade de la PS4, enfin, de ces fameux PS4K. C'est que là, il n'y avait pas besoin. C'est qu'ils ont encore gagné la guerre des confs. La et PS4 puis, ils se gardent encore des cartouches. Ultra installée. Il leur reste encore des cartouches. C'est-à-dire que, je sais plus quand le PlayStation Experience, je sais plus à quelle date c'est calé, mais. Là, il y a encore du Shenmue, il y a encore du FF7, le nouveau Naughty Dog n'a pas été annoncé alors qu'ils sont dessus depuis des plombes. Voilà, donc ils sont royales, quoi. Voilà. Donc, globalement, donc. Pour moi, grâce essentiellement à Sony, et puis quand même le Zelda, le nouveau Zelda. Ouais, voilà. Pour moi, j'ai vraiment passé un bon E3, quoi. Encore, moi aussi, très bon E3. Ouais, j'ai bien kiffé. Hâte de voir le TGS maintenant pour voir un peu plus du futur de Nintendo. Parce que apparemment, enfin, je veux dire, ils sont formels. Hein. NX, c'est un nouveau Zelda. Apparemment, il y a peut-être un nouveau Metroid. Il y aura un vrai nouveau Mario, ça c'est sûr. A priori oui, aussi. Oui, mais là, de toute façon, t'as Zelda qui va sortir en même temps sur NX, donc je pense que le Zelda d'après, t'es pas prêt de le. Non, mais là, justement, je parle pas du Zelda d'après. Je parle de. Voilà, on verra le Zelda sur NX. Ah voilà, oui, ouais, d'accord. La version NX, je veux dire, parce que de toute façon, moi, qui n'ai pas de Wii U, je n'y jouerai pas sur Wii U, c'est sûr. Hein, donc je vais attendre la NX. Il y aura le nouveau Mario, en théorie, peut-être des nouvelles IP. Enfin bon, bref, il devrait frapper très fort. Voilà, les briques couloirs se disent que voilà, s'ils l'annoncent pas, c'est qu'ils sont encore en plein deal avec tous les autres éditeurs. Bon, c'est à mon avis, voilà, ils vont peu. J'espère, c'est ce qui se dit, tu vois, mais j'espère qu'ils vont apprendre de leurs erreurs. Ouais. Et que du coup, c'est vrai que le prochain TGS, là, il va. Pour une fois, parce que les TGS ces derniers temps sont chiants à crever. C'est pas top. Ouais. Par les jeux mobiles, voilà. Je pense qu'il va être très intéressant le prochain TGS. Donc voilà, c'est enfin, le prochain rendez-vous. Cas, vois, on a quand même fait, je pense, à peu près 2 heures. J'ai pas le timer là sous les yeux, mais ouais, mine de rien, tu vois, c'est bien. Il y avait quand même pas mal de choses à dire. Ouais, c'est clair. C'est bon signe. Ouais, c'est bon signe. Et puis, on va essayer de tenir vraiment un rythme. De vraiment de 2 à 3 émissions par mois, je pense que 3 c'est faisable, mais bon, vous verrez bien. Du coup, avant de se quitter avec notre ultime rubrique, je tiens absolument à rappeler que maintenant on s'est déployé partout, Broadcast devient vraiment tentaculaire. Donc on a un blog WordPress, donc c'est broadcastblog.wordpress.com. Dessus vous avez toutes les infos en fait pour voilà, vous pouvez nous retrouver. On a un flux RSS, ça y est, qui est dispo. On est enfin sur iTunes. Ça a été une sacrée tannée à faire, mais ça y est, j'ai réussi. Dans tous les cas, il y a tous les liens sur le site slash blog entre guillemets, Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud, PodCloud. Voilà, Earthvis aussi. Enfin, on est vraiment, on est dans beaucoup d'endroits. Voilà. On remercie tous ceux qui ont partagé la première émission, donc l'épisode 0, puisque là, on a fait quand même pas mal d'écoutes. Donc, on est assez content c'est vraiment très gentil à vous. Donc, si ça vous plaît, vraiment, partagez en masse sur les réseaux sociaux parce que c'est là que se fait le game. Hein. Et sur iTunes. Si vous mettez des petites étoiles, ça nous fera plaisir, parce que c'est comme ça, voilà, qu'on peut être à peu près visible. Et pour le prochain épisode, normalement, j'aurai un meilleur micro, moi. Bah écoute, là, moi, je trouve qu'on t'entend vachement bien, donc je verrai ça au montage. Bah écoute, on verra bien. Sauf qu'on t'entend bien. Voilà. Alors c'est quoi ? Alors justement, là, on va passer à la dernière rubrique. La dernière fois, c'était moi avec Romancing Sega 3. Alors, on va donc cette fois, ce sera encore moi, parce que va te faire. Alors, je voudrais passer un thème de Romancing Saga 3. Non, en fait, voilà. Juste, on rappelle brièvement. Donc, on a une petite dernière rubrique. Donc, à la fin de chaque émission, Julien et moi, à tour de rôle, on va vous proposer un morceau de game music. De film de cul. Avec les bruitages qui vont bien derrière. Et du coup, je savais bien limiter, mais bon, là, on va pas oser quand même. On n'est pas 18+. À chaque fin d'émission, on va vous proposer un morceau, une musique de jeu vidéo. Et le but, en fait, sans faire de top, hein, sans faire de classement, mais en fait, le but à terme, voilà, c'est de vous proposer la playlist ultime de game music, selon nous, voilà. Donc ça peut vous donner envie de télécharger des musiques, d'acheter des OST, bien sûr, voilà, pas pirate, attention, blabla. Ah, bah non. Donc, la semaine personne n'écoute d'OST sur YouTube, évidemment. Et donc, on fera un petit récap, là. Donc là, pour l'instant, bah, le premier titre, c'était Julien, la première émission, donc qui avait choisi le thème des combats de Romancing Saga 3. Donc moi, là, pour cette émission, je vais vous proposer donc un incontournable. Je me suis dit, autant le mettre tout de suite, parce que de toute façon, voilà, ça fait partie des thèmes que je mettrai absolument. Donc, on va parler de Turrican 2, sur Amiga, donc qui est pour moi le run and gun ultime, selon moi, avec au platine une légende de la musique 8-16 bits, c'est Chris Hulsbeck, le Ichbin Berliner, donc allemand de son état, et voilà, qui est pour nous une sorte de dieu vivant de la musique de jeux vidéo. Ah bah oui, c'est le, je sais pas, c'est Sakaguchi européen pour nous, enfin Sakaguchi n'importe quoi, Uematsu, Sakuraba, tout ce que tu veux. Et voilà, il fait partie de ces légendes, voilà, européen, pour nous que ce cher Sakuraba, que Uematsu et de quelques autres, on va pas pouvoir vous faire la liste là maintenant, mais non, y en a Sakimoto et consorts. Mais voilà, donc en fait, c'est une légende, et donc là, je vais vous proposer... le titre The Desert Rock, qui est donc le titre du tout premier, du premier niveau de Turrican 2, parce que bah, j'aurais mis toute l'OST, hein, mais comme à chaque fois quand on est... Non, mais disons qu'elle est emblématique, celle-là. Elle est emblématique. Moi, c'est pas ma préférée, tu vois, de Turrican 2, mais elle est emblématique. Bah, moi, c'est une de mes préférées, et voilà, j'arrive pas à départager avec donc je me suis dit, voilà, on va la mettre. Donc, on vous dit à très bientôt. Bah, à bientôt, avec d'autres sujets... pas moins ancré dans l'actu ou pas d'ailleurs, mais bon là c'était le 3 donc c'était incontournable, voilà, il fallait qu'on en parle. On peut pas faire un podcast jeux vidéo sans parler de le 3 quand même, ce serait un petit peu couillon. Donc Juju, à la prochaine. Pareil, à la prochaine. À très vite. Et voilà, donc moi il y a des longues heures d'upload qui m'attendent. Et donc du coup, Turrican 2, The Desert Rock. Savourez bien. Merci de partager, de nous aimer, voilà, de venir nous parler sur les réseaux sociaux. Et on vous dit donc à très très vite. Bye bye. À plus, à bientôt. Ciao.